disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 19. Sans transition, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum eelb.su pour Europe Écologie Les Brins. Son adresse, eelb.su. Ce forum vous permet de commenter les articles qui sont publiés sur Démocratie Participative, ainsi que les émissions. Et grâce à toute la série de sous-sections que comporte ce forum, vous pouvez discuter de sujets très variés. Révisionnisme historique, informatique, crypto-monnaie, guide racial des villes, sujets de société divers et variés, etc., etc., n'hésitez pas. Avant de commencer l'émission, je vais procéder à la présentation des participants. Je vais commencer tout de suite avec Fulbert. Salut Fulbert, je suis content de t'avoir avec nous cette semaine comme toutes les semaines. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Nous rejoignons aussi cette semaine Pierrot. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, est avec nous aussi cette semaine, Diabolix. Salut Diabolix. Salut Gandalf, bonjour à tous et bonjour Jürgen. On va parler un petit peu de Jürgen. Alors, avant de commencer l'émission à proprement parler, je tiens à remercier tous nos donateurs qui peuvent nous soutenir en crypto-monnaie et notamment Monero. Crypto-monnaie qui garantit l'anonymat des donateurs ainsi que les montants qu'ils sont envoyés, bien sûr. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui ne nous écrivent pas pour nous faire part d'un don. Nous apprécions grandement ce que vous faites. Et en revanche, je vais citer maintenant les courriers qu'on a reçus des donateurs. Il y a McLean qui nous avait déjà fait un don. Il nous dit voilà, je vais de ce pas envoyer un nouveau don de 0,5 Monero. Bon courage, nous dit-il. Merci à toi, McLean. Et don numéro 2, bonjour à tous chers démocrates participatifs. Tout d'abord, merci et félicitations pour votre travail. Je vous ai découvert en janvier 2018 et écoute les émissions depuis août de la même année. C'est un vrai plaisir de se tenir au courant de l'actualité grâce à vous. Pour que vous puissiez continuer le plus possible ce travail, j'ai voulu vous faire un don de 0,8 Monero dans un premier temps pour être certain de ne pas avoir fait de fausses manipulations. Merci donc de confirmer que vous avez bien reçu ce don. Ça sera fait. Force et honneur et c'est signé Charles Martel. Pas de problème Charles Martel. On a aussi besoin... de vous, Charles. On aimerait bien vous voir revenir avec votre marteau. Ce serait du meilleur effet. Merci, Charles. Alors, messieurs, sans transition aucune, je vous propose de commencer cette émission. Rubrique numéro 1, autisme radical. Commençons tout en légèreté, si vous le voulez bien, encore que... C'est une grande nouvelle, je cite ici le Midi Libre, hein, évidemment, par la force des choses, vous allez comprendre pourquoi ce journal plus qu'un autre. C'est parce que nous allons parler de rugby, et évidemment le Sud-Ouest est une grande région de rugby française. Et voici ce que nous dit le Midi Libre. Je ne sais pas ce qu'en pensent d'ailleurs les... Je sais pas si... bon, je pense qu'on a des... On doit avoir des auditeurs qui pratiquent le rugby, au moins en amateur. Ça, mais en... je pense pas en pro, hein, mais encore qu'on sait pas trop, mais je veux dire, je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent, ça doit les faire rire. Alors, la Fédération française autorise les personnes transgenres, hein, donc les travelots, pour parler français, dans les compétitions officielles. Les transgenres peuvent intégrer les équipes de rugby et participer à toutes les compétitions officielles à compter de la saison prochaine, a annoncé la Fédération française de rugby ce lundi 17 mai à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, considérant qu'il était temps que la pratique du rugby soit en cohérence avec la vie que l'on a choisie et non celle qui nous a été assignée. La FFR a décidé de permettre aux transidentitaires, transsexuels et transgenres de participer à toutes ces compétitions officielles, a expliqué l'instance dirigeante du rugby français. C'est compliqué, hein ? Transidentitaire, transsexuel, transgenre. Biphobie, j'ai pas compris. C'est les bi, je sais pas, les femmes. Ah qui... oui, d'accord, ok. Ouais, les femmes qui aiment les... Bisexuelles. Les personnes trans, réassignées physiquement. Je cite, hein, là. Les personnes trans réassignées physiquement peuvent ainsi évoluer dans toutes les compétitions officielles organisées par la FFR si elles sont reconnues administrativement, sous-entendu l'état civil, ce qui nous renvoie à la très belle histoire de la maison d'arrêt de la région de Toulouse, hein, si vous en rappelez, il y a quelques jours. Les femmes trans nées hommes non opérées, donc celles qui ont encore le service 3PS. Pourquoi je dis celles? Mais c'est pénible, je vous assure, c'est pénible. Donc, les femmes trans non opérées, donc les hommes qui ont encore le service 3 pièces, devront en outre attester qu'elles suivent un traitement hormonal depuis à minima 12 mois, et ne dépassant pas le seuil de 5 nanomoles litres du taux de testostérone. Alors, les hommes trans nés hommes... Putain, je comprends rien. Donc, non, à l'inverse, aucune restriction. Une commission adéquate étudiera également chaque cas dans un délai de 2 mois, pour valider l'iniquité des gabarits dépassant la norme médiane et dans un esprit d'inclusion, selon la FFR. En octobre, World Rugby avait recommandé que les femmes trans ne disputent pas ces compétitions élites ou internationales féminines, durant lesquelles la taille, la force, la puissance et la vitesse sont cruciales, car la sécurité et l'équité ne peuvent être assurées aux femmes non trans. La question de la participation des femmes trans dans le sport féminin fait débat. Plusieurs athlètes féminines de haut niveau, dont l'ex-championne de tennis américaine Martina Navratilova, les athlètes britanniques Kelly Holmes et Paula Radcliffe ont manifesté leur inquiétude sur les préjudices éventuels que pourrait apporter au sport féminin la participation d'athlètes trans potentiellement plus puissantes. Voilà. Bon, alors, oui, bon, c'est d'autisme radical, hein, voilà. Donc, c'est officiel. Les travelots peuvent participer aux compétitions et éventuellement jusqu'à l'équipe de France, hein. Bon, de là à ce que ça se produise, c'est autre chose. En revanche, je crois que des travelots dans l'équipe féminine de rugby, c'est tout à fait possible, voire même certain. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de cette officialisation? Ce qui, à mon avis, hein, ça va appeler un effet boule de neige dans à peu près toutes les fédérations. Bon, non, je sais pas, ça risque de donner des trucs assez curieux. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Faut avouer qu'avec Alexis, on rigole en off, parce qu'en fait, on n'a pas compris la moitié de l'article. C'est pas de la faute de la parce qu'on vit dans un monde plus bizarre. Alors en fait, les travelots, donc soit les femmes déguisées en hommes, soit les hommes déguisés en femmes, peuvent, moyennant changement d'état civil, participer dans l'équipe du sexe opposé. Donc typiquement, une femme se pique au testostérone, change son état civil et veut participer au championnat de rugby homme, à tous les niveaux de compétition, ça c'est d'une. Mais inversement, un homme peut se déguiser en femme et même faire se piquer aussi aux hormones pour participer donc dans des compétitions de rugby féminines, auquel cas c'est un homme à l'origine, mais il est dans une compétition féminine de rugby là en l'occurrence, d'accord ? Donc vous pouvez avoir des mecs qui ont les cheveux longs, qui ont des espèces de demi-nichons sous l'effet des hormones et qui sont dans des équipes avec des filles qui à l'origine sont des sélections exclusivement féminines. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors évidemment, le risque, c'est surtout dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, si des mecs se déguisent en femmes et décident de rejoindre les championnats féminins. Vous comprenez? C'est ça surtout qui pose problème, pour évidemment des raisons purement physiques. Et c'est dit dans l'article, les autorités internationales de rugby, il y en a plusieurs, avaient mis en garde contre cette pratique parce qu'ils disaient, attention, et on va se retrouver avec, grosso modo, des mecs qui vont écraser des femmes physiquement. Ça va être extrêmement brutal. Donc ils disaient attention qu'on se retrouve pas non plus dans une situation où il y aura des blessures. Quoi. Voilà en gros ce qu'ils avaient dit. Donc voilà. Et ça a été reconnu. Le principe vient d'être reconnu cette semaine par la Fédération française de rugby. Donc un mec qui s'appelle Robert et qui se déguise en femme peut dorénavant rejoindre un club de rugby féminin en France et participer à tous les niveaux de compétition. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'est exactement ça. Il y a Alexis qui dit en off, finale de championnat du monde, Thaïlande-Brésil. Alors, lors de l'entraînement, est-ce que la technique chabite peut être autorisée? Je me perche. Bah en fait, il y a marqué. Hein. Il y a dit en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où vous avez des mecs qui ressemblent à des mecs, mais qui se disent femmes, mais qui sont des mecs physiquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas modifié leur apparence, d'accord? Ça c'est transidentité. Alors ensuite, vous avez les trans, ça c'est les travelots, les mecs qui se déguisent, voyez? Donc ils font un effort et ils vont changer l'état civil aussi bien sûr. Et puis enfin, il y a ceux qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils se font greffer des faux-nichons, ils se coupent les parties génitales, voilà, vous comprenez le truc. Et alors, l'entrée est acceptée avec les taux hormonaux, en fait. Alors voilà, c'est là que ça se joue. Et donc là, il y a énormément de triche, parce qu'on peut évidemment moduler les taux hormonaux assez facilement. Bon. Voilà, donc... Mais ça risque, ça va faire tache d'huile, ce truc. Donc ça peut avoir un impact sur tous les sports. Sans exception, sans exception. Évidemment, ça va susciter des inquiétudes dans un sens uniquement. Les femmes qui vont se piquer pour essayer d'atteindre le niveau des hommes ne pourront pas l'atteindre, d'accord? Et les hommes qui vont se déguiser en femmes vont péter les règles du jeu parce que le taux de testo, c'est bien, ils mettent une limite. D'ailleurs, apparemment, la limite, ils ont l'air assez permissifs. Hein. Mais la testo, c'est pas tout. Dans un sport comme le rugby, comme dans beaucoup de sports, il y a les réflexes, précision, comment tu te situes dans l'espace, et toute une liste d'avantages dans lesquels les hommes sont meilleurs, tout simplement. Au début, première fois que tu lis l'article, tu dis « Ah, les cons, ils sont en train de tuer le sport féminin. » Oui. En fait, non, ils sont en train de l'améliorer, peut-être. Quand on sait que le gabarit de nombreux rugbymen, c'est 2 mètres 100 kilos, voire plus que 100 kilos pour certains. C'est vrai que si certains gabarits, là, ceux qui connaissent un peu le rugby, de type, il y en a pas mal, comme Vunipula qui joue pour l'Angleterre, qui doit faire 130 kilos ou autre, il faut 3 gars pour l'arrêter. Alors si le gars se décide de faire un traitement hormonal et de jouer dans la catégorie femme, là je crois que ça va être 7 gonzesses qui vont être nécessaires pour le stopper, quoi, et encore. Il y avait déjà en haltérophilie, je crois que je ne sais pas si c'était autorisé dans toutes les compétitions internationales, mais on voyait déjà un ancien homme, ou je ne sais pas comment dire, qui concourait chez les femmes. Alors chez les hommes, il n'aurait eu aucune chance d'avoir une médaille, parce que les gens qui, moi j'en fais pas partie, qui connaissent bien les techniques d'haltérophilie, mais qui m'ont dit, ce type-là qui est devenu une femme, soi-disant, il n'a aucune technique, il est nul, quoi, mais par rapport aux femmes, évidemment, il est quand même beaucoup plus puissant, donc forcément, ça fait une différence. Imaginez sur les compétitions pour équider, par exemple. Vous voyez ? Oui, oui. Ça va influencer sur le poids et tout, donc tu vas pouvoir avoir des femmes dans des compétitions d'hommes, elles sont plus légères, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, je veux dire, c'est, en fait, ça, en gros, hein, ça autorise la triche, quoi. Dans les deux sens, quoi, voilà. Mais bon, c'est validé. Alors, on risque d'avoir une sélection féminine française de rugby dont on n'a jamais entendu parler, qui ressemblera en fait à l'équipe B hein, du 15 de France, en fait. Hein. En gros, c'est ce qui va se passer. C'est, voilà. Et ça va arriver dans le football. Hein. Je veux dire, il y a pas, à mon avis, la FFF, là, ça devrait pas tarder. Enfin, je dis ça, mais tout ça est très théorique parce qu'en réalité, à mon avis, c'est plus difficile parce que dans la FFF, comme on recrute quand même très massivement dans les banlieues, où il y a beaucoup de musulmans, n'est-ce pas? Je ne suis pas certain que les travelots ont beaucoup de chances de percer, y compris chez les filles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Enfin bon, c'était la minute autisme radical. Hein. Je voulais quand même vous faire part de l'évolution du championnat français de rugby. et de ses standards moraux qui progressent, je trouve. C'est tout ça très très positif. En e-sport, donc. En e-sport, tout à fait, tout à fait. Alors, messieurs, rubrique numéro 2, Euro 2021. On reste dans le sport. C'est clair que l'annonce a fait énormément couler d'encre. C'est bien évidemment non pas l'annonce en fait de la sélection de Didier Deschamps, mais le fait qu'il ait retenu, enfin la sélection en tant que telle, enfin au global quoi, mais le fait qu'il ait retenu parmi les 26 joueurs Karim Benzema, hein, qu'on ne présente pas, je crois, enfin à mon avis, pas besoin de le présenter, mais ça a vraiment suscité oui, des réactions, c'est moins qu'on puisse dire, et avec des publics très différents et des réactions très différentes en fonction des publics. Alors les médias ont vraiment fait le forcing, j'ai suivi, alors l'équipe militait, j'en avais même parlé il y a quelques mois, l'équipe militait depuis déjà un bon moment pour pour que Benzema réintègre l'équipe de France de football, mais en cela, il n'y avait pas que l'équipe, il y avait beaucoup de publications sur le football, de médias spécialisés dans le football qui poussaient dans la même direction, qui faisaient vraiment du lobbying de manière très très agressive sur le sujet pour le faire réintégrer l'équipe. Alors je vais me tourner là pour le coup vers Alex. Alex, quand tu as su que... tu connais un petit peu le football. Quand tu as su que Benzema était retenu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je me suis demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de Deschamps, puisque sans doute y revenir, mais il y a un conflit qui oppose Deschamps à Benzema, parce que la qualité footballistique de Benzema n'est pas tellement contestée. Hein, il joue au Real Madrid depuis des années. C'est quand même un des meilleurs clubs d'Europe, mais donc le contentieux qui oppose, ou les contentieux qui opposent Deschamps à Benzema, c'est pas mal de choses. Bon, déjà, vous savez que Benzema a été impliqué dans une histoire de sextape, c'est-à-dire un ancien joueur de l'équipe de France, Mathieu Valbuena, qui s'était filmé, ou en tout cas, les ébats avaient été filmés avec sa femme. Ça avait été, la vidéo avait été connue, elle avait été détenue par des gens autour de Benzema qui avaient fait chanter ce Valbuena. Et donc, forcément, c'était quelque chose qui n'était pas, un comportement qui n'était pas compatible avec l'équipe de France. D'autant que Benzema n'avait pas bien accepté non plus sa non-sélection, donc il y avait eu des mots. Il y a eu d'autres gens d'ailleurs, d'autres maghrébins d'ailleurs, Samir Nasri par exemple, qui avait insulté Deschamps et tout ça. Benzema, c'est aussi quelqu'un qui avait dit que, parce qu'il est algérien d'origine, hein, donc il avait dit que l'Algérie c'était son vrai pays et que la France c'était plus pour le côté business, pour gagner de l'argent. Donc c'est pas quelqu'un qui avait montré qu'il était particulièrement patriote français. Donc je sais pas, je me suis dit que il y avait probablement eu quelque chose qui s'était passé, sans doute une pression faite sur Deschamps, mais vous avez peut-être des éléments à apporter en ce sens. Oui, alors non, oui, il y a un truc sur l'origine du contentieux entre Deschamps et Benzema. Il faut quand même revenir un petit peu, faut remonter un peu dans le temps pour qu'on comprenne l'origine de cette tension. C'est que on sortait, il y avait eu, on avait eu Laurent Blanc. Après Domenech, vous vous rappelez de Domenech, qui avait été un sélectionneur catastrophique, avec le fiasco absolument spectaculaire en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous vous rappelez forcément de ça. Hein. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est rentré dans les annales du football français. Du moins, c'était alors, pas pour le meilleur, mais j'avais trouvé déjà à l'époque l'attitude de la Fédération française de football et même du gouvernement français de l'époque d'une incroyable retenue. Ça m'avait beaucoup frappé à l'époque. Il n'y a pas eu de sanctions lourdes contre les protagonistes de ce fiasco. Domenech, je crois, avait été maintenu par la suite, me semble-t-il, ou alors son contrat touchait à sa fin à ce moment-là. Non, une petite précision simplement, c'est qu'en fait, Domenech a fait des bons débuts en faisant une finale de Coupe du Monde en 2006, mais en 2008, il y a eu des mauvais résultats à l'Euro. Et en 2010, en Afrique du Sud, c'était sa dernière compétition, donc il n'a pas été renouvelé après ça. Je ne sais plus s'il avait encore 1 ou 2 années de contrat, mais en tout cas, il a quitté son poste ensuite. Ouais. Et après, Domenech, ouais. On veut bien lui jeter la pierre, hein. Il porte une responsabilité dans l'affaire-là. Mais surtout les deux joueurs, Patrice Evra et Franck Ribéry, et puis ceux qui les ont suivis, parce que Domenech, c'était un peu mis en opposition par rapport à ce mouvement de révolte. Donc, il n'a pas été soutenu, lui, par sa hiérarchie, voilà, qui aurait dû taper du poing et dire bah non, bah écoutez, le coach, il a raison, ça ne se fait pas, on est en pleine Coupe du Monde, on ne peut pas se comporter comme ça. Ouais, et j'avais été très surpris de l'absence de sanctions par la Fédération Française de Football, qui m'avait fait. Je m'étais dit, moralement, cette fédération est déjà complètement à genoux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de standards moraux, ils n'ont pas de standards éthiques auxquels ils se tiennent, et ils ne mettent pas de sanctions en place contre ceux qui sabotent à ce point une sélection nationale, quand même. Et moi, à mon sens, les sanctions auraient dû être exemplaires pour tous les joueurs impliqués. Mais vraiment exemplaires, hein. C'est pas quelques matchs de suspension. Je pense que ces gens d'abord auraient dû être interdits d'équipe de France, quelles que soient leurs compétences techniques, etc. Et même aller bien au-delà. Il fallait vraiment marquer un avant et un après. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de réponse de cette nature montre qu'en réalité, la direction de la Fédération française de football et veulent et se concentrent exclusivement sur les résultats sportifs. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on parle de sélection nationale, il n'y a pas que les résultats qui importent. Il y a aussi la dimension symbolique d'une sélection nationale. Vous ne pouvez pas... C'est comme une armée, c'est dans le domaine sportif, mais c'est comme une armée. Vous ne pouvez pas tolérer certains comportements parce que ça implique la totalité du pays. Ça rejaillit sur la totalité du pays. Or, l'absence de réaction m'avait beaucoup frappé. Je me dis, tiens, dis donc, cette absence de sévérité témoigne plus que d'une forme de laxisme. Il y a vraiment, et même de laisser aller, ça va bien au-delà. Il y a vraiment une forme de complaisance, quoi. Et fatalement, ça devait entraîner des conséquences. Alors, ils ont essayé par la bande. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on va pas faire d'exemple, mais on va modifier en interne, entre nous, voilà. Et ils avaient demandé à Laurent Blanc de virer les gêneurs. Et si vous vous rappelez, il y a une polémique qui avait été lancée à propos de Laurent Blanc, ça concernait aussi le club de Lyon, puisque Laurent Blanc avait en fait évoqué, ni plus ni moins, que la dimension raciale du recrutement, pour des raisons purement sportives en fait. Voilà, il y avait eu un enregistrement audio qui avait été fait lors d'une conversation. Et en fait, il parlait un peu franchement de cette dimension-là. C'est-à-dire que si vous recrutez que de l'Africain, grosso modo, vous aurez une équipe, oui, qui sera peut-être physiquement plus explosive, mais qui, en termes de qualité de jeu et de technique, sera beaucoup plus faible. Par rapport à des joueurs européens, quoi. Alors, c'était pas tout à fait formulé comme ça, mais bon. Donc il y a eu un soupçon de racisme, entre guillemets, qui a flotté, et en tout cas qui a été instrumentalisé contre Laurent Blanc, et il a été attaqué à cette occasion-là. Ensuite, quand Deschamps a pris la relève de Blanc, on lui a fait le même procès. Et c'est là que Benzema... Parce qu'en fait, ce qu'a fait Deschamps, c'est qu'il a viré tous les emmerdeurs. Et quand on dit les emmerdeurs, en gros, c'est tous les musulmans. Les musulmans maghrébins ou convertis, comme cette tête à claque de Ribéry, là, cette espèce d'abruti à 80 de QI. Là. Ce type-là, il a été, grosso modo, bon, ils ne l'ont pas repris parce que c'était un fouteur de merde professionnel, parce que c'est un Algérien mental, hein, c'est un bougnoule mental, hein, Ribéry. Et avec lui, deux, trois emmerdeurs du même calibre. Ce qu'a fait Deschamps, c'est qu'il a monté une équipe qui est, grosso modo, une équipe de nègres avec quelques blancs, une équipe typiquement coloniale. Et là, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Parce que les nègres obéissent aux blancs. Et quand vous mettez des Arabes dans l'équation, tout de suite, les Arabes engrainent les nègres. C'est systématique. Et c'est ce qu'on avait appris à l'occasion du désastre sud-africain, c'est qu'il y avait des clans ethniques qui s'étaient formés dans l'équipe nationale et qui s'affrontaient. En fait, c'était un modèle réduit de la France du futur, ou du présent même. Et on découvrait qu'il y avait les musulmans et les convertis à l'islam. On découvrait qu'il y avait les Antillais. On découvrait qu'il y avait les Noirs africains. On découvrait qu'il y avait les bolos éternels, qu'elles étaient les petits blancs, les rares blancs qu'il y avait encore dans l'équipe. Et que ce truc n'avait ni queue ni tête. Voilà. Et Deschamps a mis un terme à ça, en reprenant tout d'une poigne de fer. Et Benzema avait accusé, lorsqu'il avait été écarté, en tant que fouteur de merde, évident, il avait dit que Deschamps avait cédé à une part raciste de la France. Vous vous rappelez de cette expression? Ça avait été utilisé par Benzema. Il avait cédé à une part raciste de la France. Donc en fait, vous voyez, quand je dis que tout est lié à la race, peu importe le sujet, c'est ce que je disais la semaine dernière, qu'on parle d'éducation, de sécurité, de ce qu'on voudra, tout est toujours conditionné par la race en France. C'est fondamental. Et là encore, c'est la même chose. Alors là, ils sont rabibochés. Ils sont rabibochés, soi-disant, ils ont eu une discussion franche, longue, ils ont vidé leur sac, etc. Et ils sont censés s'entendre désormais. Mais Deschamps, j'ai lu ce qu'il a dit dans la presse, Deschamps a quand même envoyé le message suivant dans la presse, notamment spécialisée, il a dit, bon, grosso modo, hein, je traduis, hein, il a dit, bon, je le prends, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Il a dit, j'ai fait abstraction de mon cas. Donc c'est voilà, donc grosso modo, voilà, bon, si je pouvais, je l'aurais pas pris, mais on m'a fait comprendre qu'il fallait le prendre. Voilà, en gros, c'est ce qu'il a dit. Donc il s'en est quand même lavé les mains, préventivement, il s'en est quand même lavé les mains. Hein, voilà. Alors, donc en gros, là, Benzema revient en force dans l'équipe de France, et il faut pas perdre de vue un autre truc, c'est que il y a un lobby algérien qui se forme autour de Benzema et de Zinedine Zidane pour s'emparer de la sélection nationale après Deschamps. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. D'accord ? Le FLN algérien veut mettre la main sur l'équipe de France. Ne le perdez pas de vue, ça. Hein. Pour ensuite la repeupler de gens à leur botte. Voilà. Donc, il y a une lutte de pouvoir à l'intérieur de la Fédération française. Hein. Ça, c'est en train de se passer maintenant. Alors, pourquoi ça s'est passé ? Pourquoi Deschamps? Parce que Deschamps n'avait rien à prouver. Il a gagné la Coupe du Monde en ne sélectionnant pas Benzema. Donc, en réalité, il pouvait très bien dire, écoutez, moi j'ai réussi une première fois, je vois pas pourquoi je céderais à quelque pression que ce soit. Voilà, moi j'ai un collectif, je l'ai façonné, voilà, ça fonctionne très bien. Pas de raison de... Voilà. Alors, pourquoi il a cédé? C'est pas parce que tout d'un coup, il s'est dit, ah ouais, mais en fait, Benzema, il est très talentueux, il était déjà talentueux à l'époque. Donc c'est autre chose. Et d'autant plus qu'il explique dans la presse, si ça avait été que si la décision n'avait appartenu qu'à moi, je ne l'aurais pas pris. C'est ce qu'il explique, hein, grosso modo, à mon couvert. Bah, l'explication est très simple. C'est purement politique, et c'est évidemment la main d'Emmanuel Macron. C'est évidemment la main de Macron, c'est-à-dire que Macron veut absolument envoyer des signaux aux banlieues françaises. Et compte tenu de l'ambiance qui existe actuellement en France, à coup de... Vous avez vu, il y a la grève des flics, bien sûr, mais les meurtres de flics comme à Rambouillet, les attentats, bon, enfin, ouais, et le, comment dirais-je, une espèce de fatigue de l'opinion publique face à tous les excès de l'immigration afro-maghrébine, et notamment musulmane, bien sûr, Il y a une rupture dans l'opinion. Et Macron craint, avec sa loi sur le séparatisme et toute une série de trucs, auxquels il cède sans grand enthousiasme, je pense qu'il s'est dit, bon, maintenant je dois envoyer des signaux vers ces populations-là, et je vais sous-traiter. Et je pense que Macron discute directement avec des gens comme Benzema, il discute directement avec des gens comme Kylian Mbappé, qui est à moitié algérien, et c'est vraiment de la sous-traitance. C'est du même niveau que son rapport sur la guerre d'Algérie. C'est exactement le même truc. Voilà, il caresse dans le sens du poil les Algériens, y compris le pouvoir algérien. Voilà, je pense, c'est ce qui explique totalement ce choix. Pas du tout un choix sportif, qui pourrait être totalement... Enfin, je veux dire, c'est pas les compétences professionnelles de Benzema qui sont en cause. Hein. Mais un mec comme ça, qui a à ce point dégueulé sur la Fédération française, sur Deschamps lui-même, dont les conceptions sont claires et connues. C'est un type qui refuse de chanter l'hymne national. Alors pourquoi participer à une sélection nationale dont on refuse de chanter le chant? Voilà, enfin, bon, ce type n'a pas sa place là. Et ce n'est pas pour des raisons sportives, c'est pour des raisons morales. Et on le met quand même. Et Deschamps dit qu'il ne le voulait pas. Bon, voilà. Ça, c'est mon interprétation. Je ne crois pas me tromper. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut pas être pour une raison purement sportive, je suis d'accord avec ça. Dans le football, on parlait du rugby juste avant, mais dans le football, aussi le côté collectif est hyper important. Le collectif d'une équipe, c'est ce qui fait toute sa force. Et après, il y a des individualités qui vont encore l'enrichir. Mais on ne peut pas avoir un footeur de merde dans une équipe et prétendre gagner la Coupe du Monde, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour gagner la Coupe du Monde, il faut un excellent gardien, un excellent buteur et puis une équipe soudée. Et si t'as pas de, si t'as pas ça, c'est pas la peine. C'est le minimum, quoi. Donc, on voit mal comment Benzema, même au Real de Madrid, hein, c'est pas quelqu'un qui fédère, quoi. Il a toujours été un peu, il a toujours été un peu dans l'équipe de Zizou, quoi, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est, c'est pour ça qu'il est bien coté. Souvenez-vous, ça monte un peu, mais pourquoi Eric Cantona n'a jamais brillé en équipe de France? Personne va dire qu'Eric Cantona n'avait pas d'énormes qualités footballistiques. C'est parce qu'il avait une mentalité de demi-nègre, c'est un sardin, Cantona. Et il est ingérable. Même quand il était en club, il a toujours été ingérable. Et donc, du coup, les sélectionneurs n'ont jamais retenu sérieusement, quoi. Il n'a jamais fait de carrière à l'international. Pour Benzema, c'est pareil. C'est Ribéry, le nombre d'embrouilles qu'il a eu au Bayern de Munich. Enfin, toutes les saisons, il y avait un scandale, quoi. Alors que, encore une fois, toutes les personnes citées là, techniquement parlant, sont absolument irréprochables. C'est des joueurs de très grand talent. Oui. Oui, de toute façon, quand tu vois Cantona, c'est une vraie tête de con, ce mec. Hein. Insupportable. C'est une vraie tête de con. Hein. Un joueur d'une grande classe, hein, y a rien à dire, mais sur le terrain, j'entends, mais au moral. Ingérable, ingérable. C'est une catastrophe, quoi. Moi, c'est pas le fait que d'avoir du caractère ou d'avoir du charisme ou même d'être un peu ombrageux. C'est, comme tu l'as très bien dit, ce sont des fouteurs de merde professionnels. Les mecs ne font que ça. Alors, Alex, on citait le cas de Cantona aussi, comme ça, qui avait été privé d'une carrière internationale parce que un type jouant en solo, refusant de s'intégrer dans un collectif, refusant d'accepter des consignes, etc. On disait, enfin moi, ma thèse était la suivante, c'était que c'était un choix essentiellement politique motivé, à mon avis, une décision prise à l'Élysée qui a été imposée à Deschamps pour des raisons électorales, en fait, préélectorales. Est-ce que toi, tu rejoindrais mon opinion là-dessus ou est-ce que tu verrais une autre explication? Non, je pense que tu es dans le vrai. Je pense qu'il y a eu des pressions en fait sur Deschamps. Alors, est-ce qu'il a négocié le fait de rester au pouvoir en équipe de France après bon, parce que il l'a pris parce que par défaut, oui. Enfin, il y a d'autres joueurs quand même sur le plan offensif qui ont leur place. Hein. Bon, on va pas tous les citer, mais oui, je pense que tu es dans le vrai, mais c'est sûr que c'est pas seulement l'accumulation de bons joueurs techniquement qui fait qu'une équipe va avoir des super résultats. On voit aussi avec le Paris Saint-Germain qui a recruté Neymar. Bah, avec Neymar, il ne gagne pas la Ligue des Champions, il ne gagne pas forcément non plus le championnat de France, il ne gagne pas tous les titres qui leur étaient soi-disant promis. Donc il suffit pas de savoir dribbler pour réussir à gagner tous les titres. Hein. Il faut aussi être soudé, solidaire, ne pas remettre en cause le collectif, la cohésion et tout ça. Je note d'ailleurs, pour rebondir sur un élément qu'avançait Gandalf, sur le côté ethnique qui gère une équipe, tous les clubs professionnels ont parfaitement intégré cette variable-là. On parle du Paris Saint-Germain là, on sait très bien que dans le Paris Saint-Germain, il y a un clan sud-américain avec des sous-clans à l'intérieur et les entraîneurs ils font bien gaffe de pas froisser les susceptibilités des uns et des autres, le clan africain, le clan ce que tu veux, c'est, tout ça est parfaitement entendu, hein. Il n'y a aucun tabou là-dessus, hein. Bien sûr, mais ça c'est bien parce que ça remet un peu de réalisme racial dans le sujet. C'est qu'en fait, même quand vous prétendez que les races n'existent pas, elles s'organisent elles-mêmes naturellement, organiquement. C'est ça que j'aime beaucoup en fait à travers ces sujets-là, c'est qu'on voit qu'il y a des impondérables, y compris des déterminismes raciaux, ethniques, culturels et religieux, quoi. D'ailleurs, je crois que, alors je suis pas sûr, c'était Laurent Blanc, ouais. Corrigez-moi si je me trompe, mais en parlant des Sud-Américains, je crois que c'est lui qui avait fait aussi des commentaires pour le coup positifs, raciaux positifs, sur les qualités des Sud-Américains qui sont athlétiquement très bons, de grands techniciens. Qui respectent les consignes et qui ont une culture chrétienne et qui foutent pas la merde, quoi. Qui s'intègrent très bien dans les grands clubs européens. Contrairement aux bougnoules et aux nègres, bien sûr. Ah non, mais oui, mais on revient toujours au même sujet. Hein. Mais c'est surtout. Mais il y a Riolo qui a écrit un bouquin là-dessus, hein, le Rakai Football Club. Hein, bon, hein, peut-être que des gens, si, pour les amateurs de foot, peuvent s'y reporter, peut-être. Mais non, non, il y a un vrai problème. Et le problème en France est exacerbé, puisque je crois même que c'est un phénomène unique, pour ainsi dire, parce qu'il y a le phénomène Rakai. Alors évidemment, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, il y a des phénomènes de bandes ethniques. Mais en France, c'est de l'ordre du culturel. On a atteint un niveau qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le phénomène racaille. Le phénomène racaille est quelque chose de tout à fait unique à la France, qui s'est sédimenté sur une quarantaine d'années environ. C'est des mentalités tout à fait particulière, je m'empresse de préciser, mais ça va sans dire que ce sont des mentalités de merde. Typiquement le cas de la sextape. L'affaire de la sextape révèle très bien le niveau mental d'un mec comme Benzema. C'est-à-dire que ce type-là aurait pas su taper dans une balle, il vendrait encore du shit au pied d'une tour. C'est ça, ces mecs. Donc le gars, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a essayé de faire chanter Valbuena pour faire toucher à un de ses collègues 50 000 euros, je crois. Oui, alors qu'il les a, Benzema, à 50 000 euros, et je sais pas, peut-être qu'il fait ça en une journée, tu vois. S'il avait envie de donner 50 000 euros à un collègue, il avait qu'à lui faire 50 000. Non, non, il faut encore faire chanter un collègue de l'équipe de France. Vous voyez, la race... La race n'existe pas, c'est qu'une construction sociale. Ouais. Ouais. En fait, les types, même quand ils sont millionnaires, mais archi-millionnaires, bah, ils se comportent toujours comme ce qu'ils sont, quoi, des bougnoules. Et Alexis a bien fait nous faire remarquer là en off le même comportement d'Anelka. Anelka qui est un haineux, mais vraiment encore pire que Benzema. Alors, ça, là, on va vers les Antilles. Là, c'est les Antilles. Ouais. Les Antilles, mais ouais. Ayant grandi dans la banlieue française. Quoi. Ouais. Qui avait sorti à Domenech. Ben, Anelka qui avait de la maturité en plus, hein, c'était pas un jeune footballeur, hein, qui l'avait sorti, va te faire enculer, sale fils de pute. Et Anelka est converti à l'islam d'ailleurs. Ouais, ben voilà, ça c'est vraiment caractéristique ça. Pareil aussi, hein, mentalité de merde, le mec service, pareil, hein, du talent aussi au niveau professionnel, mais qui a jamais cherché à le travailler. Lui, c'était service minimum. Hein. Il allait 2 heures à l'entraînement et c'est tout. C'était des mecs, ils n'en branlaient pas une. Et aucun intérêt pour le football aussi, Anelka. Je me souviens quand il était présenté au stade du Paris Saint-Germain, ouais. pour ses débuts. Il avait déjà commencé par une polémique parce qu'il avait en fait retroussé la jambe gauche, son pantalon sur la jambe gauche au niveau du genou. Et en fait, c'était un truc par rapport à l'esclavage, etc. J'ai pas compris le délire. Et il avait dit oui, mais c'est par rapport aux esclaves, ils faisaient ça, les Antilles, machin. Le mec, c'est son premier jour. Il est présenté au stade, au Paris Saint-Germain. Déjà, il commence. Ouais, c'est terrible. Et mais vraiment, donc c'est ahurissant parce que le mec, s'il avait travaillé, il aurait pu être un très grand footballeur, Anelka. Mais il n'en branlait pas une. Il avait du talent. Mais il n'en branlait pas une, donc il veut service minimum, une mentalité de merde. Ce qui est encore aggravé par la culture rap. Si vous regardez en France, tout le milieu du football, chez les nègres et les bicots, a des vases communicants avec le milieu du rap. Et le milieu des racailles, vous voyez, la pègre des banlieues, si vous voulez, quoi. Ce qui crée un milieu merdique. Donc on n'est plus du tout face à des sportifs... qui font preuve d'humilité, qui s'adonnent à 100% à leur métier et aussi à leur passion, qui respectent leur maillot, etc. On a affaire à des racailles de banlieue qui pensent qu'aux putes et au pognon et à étaler leur pute et le pognon et à essayer de jouer en plus les gros durs qui viennent du ghetto, quoi. Hein. Parce qu'ils miment les codes, de la pègre afro-maghrébine. Donc c'est ça qui contribue à cette mentalité de merde. Au bout d'un moment, alors la Fédération française essaye de cacher tout ça parce qu'ils recrutent à fond. Ils recrutent pas que dans les banlieues, d'ailleurs ils recrutent carrément en Afrique. C'est pour ça qu'on voit la sélection française jouer. Dites-vous bien que vous avez une vingtaine de pays, hein, en réalité dans le truc. Hein. C'est pas que la France. Hein. C'est pas du recrutement franco-français. C'est du recrutement sur toute l'Afrique de l'Ouest. Faut pas perdre ça de vue. Hein. Voilà. Ensuite on leur donne des papiers, mais c'est des trucs qui sont présélectionnés quand ils ont 10 ans dans leur bled. Ensuite on les fait venir en France, etc. Et après, ils ont des beaux papiers français et on les fout. Mais c'est des mentalités d'importés. C'est des mentalités de mercenaires. Et ils savent que ce qui régit tout ça, c'est le fric. et c'est pas l'envie de donner le meilleur simplement pour son pays. Alors, je vais pas faire un procès général, hein, vous voyez que je peux même avoir l'empathie, vous voyez. Mais je vais pas dire que c'est systématiquement comme ça pour tous les membres de l'équipe de France, mais c'est clairement un marqueur de plus en plus dominant dans le recrutement, que ce soit dans les clubs, dans les centres de formation ou bien au sein de l'équipe nationale. Et au bout d'un moment, malgré tous les efforts de la Fédération française de football, ça rejaillit. C'est au bout d'un moment, ça déborde. Vous pouvez plus cacher un truc comme ça. Bah, regarde l'hymne qui a été sélectionné, sélectionné par l'équipe de France. Je sais pas si vous avez écouté cette merde, mais c'est à se cogner la tête contre les murs, quoi. C'est non alors, seulement le message, qui chante. C'est qui chanteur? Ah, je sais plus son nom. C'est Youssoupha. Youssoupha. Ouais, ah, Youssoupha. Donc, il est un rappeur d'origine congolaise et sénégalaise. Ouais, bah, il aurait bien sa place en équipe de France, d'ailleurs. Ce qui, d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi l'équipe de France aussi est, de football est aussi performante actuellement, c'est forcément, comme tu viens de l'énoncer, Gandalf, elle recrute, elle a un cabinet de recrutement qui est quasiment mondial maintenant. Donc oui, forcément, si vous vous limitez pas qu'à l'Hexagone, vous augmentez votre champ des talents, oui, bah à la fin, vous avez une équipe plus performante que les autres, oui, effectivement. Vu qu'on donne des papiers comme ça. Tiens, toi, là, au Congo, là, tu sais taper dans un ballon, hop, bah, t'es français maintenant. Mais c'est exactement comme ça, hein. Et le problème, c'est que le système a été étendu à pratiquement toutes les fédérations. Vous regardez maintenant, pour le judo, par exemple, je ne vais pas dire qu'ils vont quand même les recruter jusqu'en Afrique comme pour le football, parce que, si vous voulez, il n'y a pas une culture du judo en Afrique, quoi. Donc, alors que des gamins qui tapent dans des balles en Afrique, il y en a partout. Mais on a quand même la France a négrifié totalement ses équipes, et ça ressort dans les compétitions internationales, voilà. Avec une mentalité de merde, encore une fois, comment il s'appelait là, Teddy, comment? Ah, j'ai oublié son nom. Teddy Riner. Ouais, Teddy Riner. Mentalité de merde. Respecte, dès qu'il peut faire une petite marque d'insolence vis-à-vis d'autres compétiteurs, il le fait, vous voyez, c'est cette mentalité de merde, vous voyez, c'est plus fort qu'eux. Voilà. Alors, ça enlève pas les trash talking, ouais, ils aiment bien ça, ouais. Ouais, moi, j'ai grandi. En fait, j'ai commencé à aimer le football parce que mon grand-père m'en a parlé et qu'il me montrait en exemple Paolo Maldini. Il aimait bien le joueur. Et bon, on est passé de Paolo Maldini à Nicolas Anelka. En termes de mentalité, c'est pas la même chose. Ouais, alors pour revenir à Youssoupha, effectivement, donc voilà, donc ils ont choisi. Je disais qu'il y avait une très grande proximité entre la pègre afro-maghrébine qui s'est forgée en 40 ans, 50 ans de trafic de drogue. Donc, avec tous les codes de la banlieue, hein, que ça suppose, et puis le rap, qui aussi est simplement l'exuda, hein, de ce milieu-là. Et vous voyez que il est clairement... l'association, maintenant, est pratiquement automatique. Et ça, c'est signé en lettres d'or ce coup-ci, quoi, hein. Là, on a vraiment... Voilà, t'as l'équipe de nègres avec Benzema, et t'as le clip qui va avec, tu vois, et c'est servi par Youssoupha. Alors, un mec dont j'ai les citations, hein, pour situer un peu le personnage, il a une tête de demi-taré, celui-là. Alors, lui, dire, quand sa mère a accouché, elle était vraiment très, très, très, très, très près du mur. Hein. Il a un œil à moitié fermé, enfin bon. Alors, donc, le clip officiel, hein, des Bleus, c'est « Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu ». Bon, ça, c'est très original. Alors, il a un titre qui s'appelle « Les apparences nous manquent », voici ce qu'il écrit. « Je fais plus confiance à la France et je m'en tape de tous ces rappels à l'ordre. Bientôt, je me taille au bled, dépenser l'argent de tes allocs. » Bon, au moins, il revendique, hein, je veux dire, je suis à l'aise avec ça, mais bon. Dans un autre titre qui s'appelle « La même adresse », il dit « Tu comprends pourquoi on aime siffler la Marseillaise ?» Donc, il revendique le fait même de, non seulement pas de la chanter comme Benzema, mais carrément de la siffler. Hein. Y a aussi un tweet qu'il avait commis... vis-à-vis de Laurent Blanc, c'était en 2011, puisqu'on se noie totalement dans le foutage de gueule, donc ça c'était après l'éviction de Domenech, hein, je vais même pas argumenter que Laurent Blanc et la FFF aillent se faire enculer. D'accord, donc, ça peut être. Hein. Voilà, donc en 10 ans de temps, le mec qui disait à Laurent Blanc, qui est un ami, hein, de Didier Deschamps, et à la Fédération Française de Football d'aller se faire enculer, le mec fournit le clip officiel. Un type qui revendique ouvertement d'être un parasite africain qui crame le fric des allocs. Enfin, lui, pas lui personnellement, c'est un personnage, mais qui existe partout dans les banlieues françaises, qui va cramer le blé des allocs en vacances dans son bled à la con. Enfin voilà, c'est cette mentalité. Ça y est, c'est bon, c'est le clip officiel. D'accord. Donc, j'allais dire, l'idéologie en anti-française est aux commandes. Totalement, je veux dire. Hein. C'est, et la Fédération française de football ne peut pas ne pas le savoir, puisqu'ils sont carrément pris à partie en public par ces gens-là depuis des années. Donc, c'est pas des types qui tombent des nues en disant « Ouais, mais on n'était pas du tout au courant. » Voilà. Alors, il a eu aussi des propos contre Marine Le Pen. Bon, c'est plus anecdotique, mais Marine Le Pen a demandé à ce que ce clip soit retiré parce que j'ai pas les propos en tête, mais grosso modo, c'était des propos à caractère sexuel. On était pas loin du viol, hein, en fait, hein, de l'appel au viol, je veux dire. Hein, mais bon, on était voilà. Et bon, voilà. Bon, donc on est sur un problème moral. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Tout en élégance. Voilà, tout à fait, ouais. Alors, bon, pourquoi on prend Youssoufa? Je reviens un petit peu à ma marotte. Pourquoi on prend Youssoufa, dont on sait que ce mec est clivant, volontairement clivant? C'est quelqu'un qui va, qui cherche le clivage, qui cherche la confrontation, qui ne s'en cache pas, qui est nourri d'une idéologie anti-française qu'on retrouve dans toutes ces banlieues ethniques, etc. Pourquoi recruter ce mec-là? C'est pas une erreur de casting, d'accord? C'est pas une erreur de casting, c'est un choix. De la même façon que le retour de Benzema est un choix, qui en dit long, en fait, sur l'état de la société française et sur les orientations politiques qui gouvernent cette société. Donc, on pourrait se cantonner simplement à l'aspect anecdotique du problème, mais non. Et il y a un autre truc qui me permet un peu de faire écho à ça. Vous allez voir où je vais en venir. C'est un article du Figaro qui revient sur l'interview qu'a accordé Emmanuel Macron à deux youtubeurs connus, c'est McFly et Carlito. Vous voyez ? Alors, et ça fait un lien avec la pandémie d'ailleurs. Alors je vous lis ça, c'est pas très très long. Promesse tenue. Emmanuel Macron a accepté de se livrer au concours d'anecdotes des deux célèbres youtubeurs McFly et Carlito à l'Elysée. Le chef de l'État avait pris cet engagement après leur avoir lancé un défi, obtenir plus de 10 millions de vues sur une vidéo rappelant les gestes barrières. Donc en gros, les gars, ils ont fait de la propagande pour faire flipper les masses en disant « s'il vous plaît, voilà, masque et compagnie ». L'objectif avait été atteint en moins de 3 jours en février dernier. Leur réception était bien sûr aussi stratégique pour Emmanuel Macron, se rendre sympathique auprès d'un public jeune. Hein, toujours utile à moins d'un an de la présidentielle. La vidéo est pour le moins déroutante, deux mondes se rencontrent, les traditions élyséennes d'un côté, les codes décalés de YouTube de l'autre. On retrouve ainsi Emmanuel Macron vêtu d'un costume présidentiel face à un McFly en t-shirt et un Carlito bonnet sur la tête. Cela vire parfois à la caricature lorsque McFly tire la langue au président ou fait des roulades dans le jardin du palais. « Vous faites pas mal les roulades », vous lui répond le chef de l'État qui tente tant bien que mal de jouer le jeu. Quant au concours d'anecdotes, Emmanuel Macron et les deux youtubeurs devaient se raconter des histoires et démêler le vrai du faux. Le président a tenté un coup de bluff en affirmant que Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Le chef de l'État a ensuite joué l'effet de surprise en téléphonant au jeune prodige de l'équipe de France qui a démenti. Un coup de fil là encore stratégique. Kylian Mbappé reste parmi les personnalités préférées des jeunes Français. Hein, ou Français, quoi. Quant aux anecdotes exactes, Emmanuel Macron, blablabla, blablabla. Donc, pourquoi je reviens là-dessus? Vous voyez qu'il téléphone en personne à Mbappé. Qui lui-même est dans les petits papiers de Benzema et Zidane. Le clan algérien. Donc vous voyez que tout ça est téléguidé. D'accord? C'est du casting digne je sais pas de quel show de réalité, il y en a quand même quelques-uns maintenant, si vous en avez un favori, vous avez qu'à me le citer, mais jadis, il y avait la Star Academy, Love Story pour les plus vieux, ensuite il y a Koh-Lanta, The Voice, enfin ce que vous voulez, quoi. Mais on est là-dessus. Macron, c'est lui, il a vraiment pensé stratégiquement cette approche de la sélection de ministres. Donc vous vous rappelez la porte-parole du gouvernement avant qu'elle quitte justement ce même gouvernement, j'oublie tout le temps son nom, à chaque fois que je vous le demande. Sibeth Ndiaye. Ouais, Sibeth Ndiaye, voilà, bon ça c'était typique, c'était conçu dans ces termes. Vous avez Marlène Schiappa, on ne recherche pas chez Marlène Schiappa une compétence. Elle doit représenter typiquement la coconne de centre-ville française type de 2021. Avec le même imaginaire, les mêmes tics de langage, les mêmes prises de... En fait, quand on regarde ça, nous, d'un extérieur, on se dit, putain, elle est vraiment cruche, y a pas, elle est nulle, elle est vraiment nulle. Et on se dit, putain, mais en fait, Macron, il est... Pourquoi il recrute ça? Je veux dire, il voit pas qu'elle est nulle. Macron sait parfaitement qu'elle est nulle. Mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que elle est à l'image d'un segment sociologique. Et donc, il va y avoir un phénomène d'identification dans le public. Dans le public cible, quoi. Et il y a toute une série, bah, le segment des coconnes de centre-ville qui vont se reconnaître dans Schiappa. C'est ça. Il y en a toute une série comme ça. Hein. Et en fait, ce qui nous fait là, c'est la même chose. Une forme de sous-traitance. Hein. Il y a une dimension de sous-traitance là. C'est-à-dire, il va passer par des proxys. Donc, il va aller voir des footballeurs connus, des youtubeurs connus. Il va peut-être bientôt rencontrer des rappeurs connus. Il nous a fait un Joule. Peu... Voilà, il va nous faire des trucs comme ça, simplement pour sous-traiter du capital sympathie. Il va dire, les gars, ramenez-moi des vues. En gros, c'est presque ça, hein, la preuve. Il dit, voilà, j'ai un message à faire passer, s'il vous plaît, faites 10 millions de vues. C'est vraiment ça, c'est un rapport de négociation. S'il vous plaît, ramenez-moi des vues, et en échange... je sais pas, après, dans la négociation, qu'est-ce que propose Macron, ça, j'en sais rien. Mais voilà, et en fait, là, entre le choix de Benzema, qui n'est pas motivé sportivement, mais uniquement électoralement et ethniquement, et le petit clin d'œil à Mbappé, et des youtubeurs, on dit, ouais, ils sont populaires chez les jeunes, comprenez bien, hein, quand on dit le mot jeune dans les médias français, on parle de l'immigration. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de faire de la politique qui est conditionnée par la composition ethnique de la société française. Donc la question, c'est plus de savoir si on a affaire à des gens qui sont bons, s'ils sont compétents, s'ils peuvent faire le... C'est pas du tout ça. Ce qui conditionne, c'est la représentativité, l'influence dans leur groupe ethnique respectif. Et ça, c'est la démonstration que la société française est dans une phase avancée de fragmentation et de balkanisation. Si vous poursuivez la logique, dans 50 ans, s'il y a encore un État français unitaire, le chef de l'État français, si vous voulez, aura autant de pouvoir qu'un sous-préfet, et il devra aller mendier le soutien, si vous voulez, d'un chef établi en Seine-Saint-Denis. Voilà, ça sera un néo-féodalisme, en quelque sorte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup. Paris. Qui veut parler Vas-y, Fulbert. Ouais, Fulbert. Non, je corrigeais simplement en néo-tribalisme. Oui, il y a le tribalisme, mais j'utilise le mot de féodalisme à dessein, c'est-à-dire qu'il y a un partage du pouvoir entre des sortes de je ne vais pas dire de seigneurs de la guerre, parce que c'est pas la guerre qui forge ces réseaux, c'est l'ethnique, mais il y a quand même un rapport de personne à personne. Voilà, on va avoir des chefs de tribu. On dit, voilà, négocions ça, ça, ça. Alexis, tu voulais dire quelque chose? Ouais, une petite anecdote sur l'équipe de France illustrant ce qu'on a dit. Bon, pour un petit résumé, quand il y a eu donc la victoire en 2018 de l'équipe de France, il y a eu donc des célébrations sur les Champs-Élysées. Et vous imaginez la faune locale, évidemment. Qui viennent célébrer ce genre d'événement. Et donc, il y a l'intégralité des joueurs de l'équipe de France qui ont été affichés. Quand il y a eu des footballeurs blancs, comme Olivier Giroud, Antoine Griezmann, il y a eu des sifflets, comme par hasard, venant de cette foule-là. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une fragmentation, y compris même au sein de l'équipe de France. Et voilà, sinon, après, le football, c'est parfaitement, au-delà du fait qu'on peut apprécier ou pas techniquement ce qui se passe sur le terrain, c'est en fait parfaitement le pain et les jeux, quoi. C'est-à-dire que là, ça abrutit, en fait, finalement, on va créer des polémiques à longueur d'années sur des sujets complètement secondaires par rapport à ce qui se passe, je veux dire, la destruction des libertés, destruction de l'économie, remplacement ethnique. tous les voyants sont au rouge, mais finalement, on va faire une polémique sur, tiens, faut-il sélectionner un tel ou un tel, etc. Bon. Ça permet de divertir l'attention. Ouais, ça c'est vrai que c'est une dimension très importante, et ça marche. C'est ça le pire. Ça fonctionne très très bien. Je me souviens des JT de TF1 et France 2 qui pendant 10-15 jours titraient sur la cuisse à Zidane, vous savez, quand il s'était blessé avant la Coupe du Monde. Mais il faisait des reportages d'un quart d'heure à la cuisse, pensait c'est grave, pas grave. Putain, mais il se passe des trucs importants et vous nous faites chier avec la cuisse de Zidane, quoi. Il y a un phénomène qui est plus sinistre. Il faut peut-être s'arrêter là-dessus. C'est que cette équipe est l'équipe du grand remplacement. C'est la bannière du grand remplacement, cette équipe. Et je crois que, en dépit du fait que, évidemment, le football est utilisé pour abrutir les masses, parce que on en est quand même à ce stade-là, quoi, y a quand même une dimension politique, des messages subliminaux qui sont envoyés. Enfin, subliminaux à l'origine, hein. Maintenant ils sont carrément. Genre là, il y a des panneaux avec des clignotants. Le message, il n'est pas ambigu là. Mais c'est vraiment l'équipe du grand remplacement. Et ça montre que. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Hein. Mais pour moi, la nation française est devenue une impossibilité. C'est-à-dire que le processus historique de l'État-nation en France est arrivé à son terme. Il y a ceux qui l'acceptent, qui l'admettent, et il y a ceux qui s'enfoncent dans une forme de déni. Mais vous allez voir, donc les mêmes gens hein, qui disent en avoir assez de l'immigration et de ses conséquences, puisque l'immigration est la principale source de criminalité, je ne parle même pas du coût en termes financiers, bien sûr, pour ne pas parler des conséquences catastrophiques au plan culturel. Mais vous allez voir les mêmes gens qui vont s'enthousiasmer pour cette équipe simplement parce qu'elle a trois couleurs sur le dos qui correspondent au drapeau français. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'immense majorité des gens en France, il n'y a plus... la nation française, c'est une sorte de supermarché, je veux dire. C'est McDonald's. Venez comme vous êtes, quoi. Je veux dire, n'importe qui peut arriver en claquette, voilà, tu vois, il a un passeport français, ça y est, c'est bon, tu vois. Il agit le drapeau tricolore, à droite, l'effet est particulièrement puissant. J'ai remarqué ça. Tu mets des nègres en tricolore, ça y est, t'as la totalité de la droite au garde à vous, ils achètent. Ça, moi, je peux pas. Je veux dire, là, cette espèce de bazar multiethnique de caserne, avec de la Mars, je peux pas. C'est une caricature de patriotisme. C'est du cosmopolitisme. C'est franchement, hein, je sais pas. La France a réussi la gageure de l'oxymore suprême qu'est la nation cosmopolite. Vous voyez, du patriotisme antiraciste. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est ça. Voilà, et ils vont tous être en rang, hein, ils vont tous s'exalter. Marine Le Pen va s'exalter. Là, ils gueulent à cause du clip de rap, mais rassurez-vous, si au premier match qu'ils auront gagné, parce qu'elle n'en demeure pas moins une politicienne, elle va suivre le courant. Félicitations à l'équipe de. Voilà. Et donc, voilà, il y aura une espèce d'injonction comme ça qui va provenir de la droite comme ensemble électoral, culturel, politique. Et médiatique, une espèce d'injonction à soutenir cette espèce de bande de mercenaires africains. Et moi, je peux pas. J'ai rien à voir avec ces nègres, ou avec ces bicots. J'ai pas plus à voir, d'ailleurs, avec les nègres manteaux comme Griezmann. Je suis désolé, hein, le mec est stupide, d'accord ? Griezmann est stupide. Il est idiot. Je veux dire... Griezmann, il a la banane, il a le sourire, vous voyez, la banane, vous voyez, quand il danse comme un nègre, je veux dire. On a affaire à des gens qui ont 85 de QI, qui se comportent comme des nègres blancs. Bon, après, on ne lui demande pas d'être intelligent non plus. Hein. Non, mais je lui demande quand même de se comporter comme un Européen qui a reçu une éducation européenne. Vous voyez, je veux dire, il y a quand même des limites, quoi. Moi, j'ai la fuite vers le néolithique, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc... je peux pas, quoi, voilà. Et je sais, et ça va pas louper, on va faire ronfler une grosse Marseillaise, voilà. Le paquet de ceux-là, et vous allez avoir 95% des gens qui disent le reste de l'année saturé face au bougnoul, s'enthousiasmer pour cette équipe de nègres. Ça va pas louper. Voilà, là, on arrive, si vous voulez, aux limites de l'exercice. C'est pour ça que je pense pas qu'il existe encore une nation française. Il y a un État français, un État multiracial, multiculturel, multiconfessionnel. C'est une nouvelle organisation politique, mais ce n'est pas européen. C'est complètement dissocié du continent européen et en tout cas de la civilisation européenne. C'est autre chose, et je ne me reconnais pas du tout dans cette autre chose. Mais bon, Et vous allez voir, hein, là, ça va être marrant à observer les droitards, parce qu'ils seront tiraillés entre leur surmoi patriotard et le fait qu'il y a quand même beaucoup de nègres dans l'équipe. Mais ils vont quand même céder, je le sais, voilà. Sauf quelques illustres franc-tireurs, quoi, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous, par exemple, quand vous allez voir l'Euro, je vous pose une question simple, un peu ludique, vous allez vous intéresser à quelles équipes, par exemple? Moi, je me fais souvent railler parce que je supporte l'équipe nationale d'Italie, mais je suis désolé, il n'y a que des Italiens dans l'équipe nationale d'Italie. Hein. Enfin, je veux dire, des vrais Italiens, quoi. Toi, tu parles plutôt de l'Europe de l'Ouest. En Espagne aussi, quand même, grosso modo. Je veux dire, c'est une équipe très espagnole, très, très homogène, autant que je sache. Ouais, ouais. Ça fait plaisir de les voir jouer, en plus, parce qu'en fait, je sens qu'il y a... On voit même clairement la dimension raciale dans le jeu, quoi. Quiconque a joué au foot quand il était petit en France, a joué au foot avec des Arabes, et sait à quel point c'est insupportable de jouer au foot avec des Arabes. Parce que les Arabes, ils veulent tous être en attaque, ils passent jamais le ballon, et ils foutent la merde, et ils écoutent rien, et c'est pas du foot, d'ailleurs. Et est-ce que vous connaissez peut-être un gardien de but arabe? Ça n'existe pas. Les mecs, ils veulent tous être numéro 7. C'est insupportable, insupportable. Le foot, c'est pas ça. Hein. Développe, vas-y. Exact. Ou Alexis, ouais. Oui, je vous disais, alors quelle sélection? Toi, tu disais Italie pour Pierrot. Alex, toi, tu vas regarder l'Euro, je pense, quand même, parce que bon, c'est quand même un événement sportif important. Qu'est-ce que tu veux? T'as une sélection en vue, plusieurs sélections, qu'est-ce que... Bon, il y a la Croatie qui avait fait des miracles, enfin qui avait été jusqu'en finale la dernière fois. Je pense que toujours une bonne équipe. Les équipes de l'Est ne sont pas forcément cette année toutes super fortes à mon avis. Mais bon, il y a aussi la Serbie. Je ne sais pas s'ils participent. C'est normal, c'est une bonne équipe. Enfin, ils ont beaucoup de bons joueurs de haut niveau aux Serbes, alors que c'est un petit pays. Alors que les gens qu'on appelle, les footballeurs qu'on appelle français, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est en fait souvent des franco-guinéens, franco-mauritaniens et tout ça. Donc c'est effectivement, Espagne, Italie, plus les pays de l'Est, c'est des équipes encore blanches. L'Angleterre, c'est largement remplacé. L'Allemagne, ça l'est aussi beaucoup. La France, n'en parlons pas. Donc oui, effectivement. Mais t'as une équipe favorite, toi, que tu vas suivre? Comme je disais, ouais, la Croatie, Serbie, je vais suivre. Et par exemple. Ce qui concerne le jeu, est-ce qu'une équipe comme l'Espagne, ça te séduit ou Portugal, enfin, pas tellement, c'est pas. Disons que l'Espagne, oui, il y a beaucoup de possession de balles, quoi. Disons que ça garde beaucoup la balle, donc c'est très technique, c'est assez joli à voir, parfois peut-être un peu ennuyeux, ça dépend du contexte du match. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'aimais bien aussi avant le jeu de l'équipe d'Allemagne, c'était un jeu assez direct où ils envoient le ballon assez vite dans la surface, ça correspondait assez bien à leur tempérament. Après, ils ont pas mal évolué. L'influence de forme de Guardiola, qui était l'entraîneur du Bayern Munich, d'où venaient la plupart des joueurs de l'équipe d'Allemagne à ce moment-là. Mais il y en a pour tous les goûts, mais en tout cas, bon, je vais suivre quand même l'Euro, oui, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup j'aimais le jeu allemand. Ce que j'aimais dans le jeu allemand, c'est sa force. Un jeu très carré, et avec beaucoup de confrontations physiques. J'aimais bien ce jeu-là. Les Allemands, les Néerlandais et les Portugais, ils partagent une culture des frappes de loin aussi, c'est très beau, ils prennent des risques de loin, ça, c'est pas mal, quoi. Mais on est racialiste, on est raciste, ce que vous voulez, mais on peut pas dire que Kylian Mbappé est mauvais attaquant. Ah oui, non, mais ça, c'est des critères objectifs, hein, efficacité ou pas, bien sûr. Et même dans ça, vous voyez, quelque part, ses principales forces, ça va être parce qu'il est... C'est pas que tellement son dribble, bien sûr qu'il dribble très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est plutôt sa vitesse de point, son accélération, son agilité. Voilà, plutôt des qualités, encore une fois, athlétiques. C'est pas Maradona, en fait. Il n'y a pas de Maradona nègre. Il n'y a pas de... Même Ronaldo, il n'y a pas de Ronaldo nègre. Hein. Il n'y a pas de Messi nègre. C'est un peu à part. Hein. Ah ouais, Ronaldo, c'est vrai que c'est un phénomène. Alors messieurs, bon, bah, on a fait un peu le tour de la question de l'euro. On verra bien ce que ça va donner. Ça risque d'être très marrant, mais oui, j'ai hâte de voir tout ça évoluer. On a, maintenant, on a Benzema, on a la renard dans le poulailler. J'espère que ça va faire des frictions. Enfin, on va voir ce qui va se passer. Oui, plus précisément, je me suis trompé. La Serbie a été éliminée. Ils avaient fait des bonnes qualifs, mais finalement, ils n'ont pas été qualifiés. Ah ouais, d'accord. D'accord. D'accord. Alors, messieurs, Eurovision. Alors là, on ne va pas s'éterniser non plus là-dessus, mais on est très Europe, là. Très Europe et très France dans l'Europe. Mais, hein, France, voilà. Alors, mais vite fait en passant, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Donc, alors, les fans. Alors, je lis l'article de BFM, alors qui en fait des tonnes. Hein. Drahi, il est déchaîné, là. Alors, les fans de Barbary Pravi auront cru jusqu'au bout à sa victoire à l'Eurovision 2021. Finalement, la candidate française s'est inclinée face au rocker italien du groupe Maneskin, grand vainqueur de cette édition dont la finale se déroulait ce samedi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le classement de la chanteuse française de 28 ans n'en a pas moins été historique. Elle a décroché la deuxième place grâce à son titre « Voilà », un score que l'Hexagone n'avait pas réalisé depuis 30 ans. Cette quasi-victoire a valu à Barbara Pravi les félicitations d'Emmanuel Macron dans un tweet publié quelques instants avant la fin de la cérémonie. Le chef de l'État a remercié la jeune artiste d'avoir fait briller la France à l'Eurovision. Alors justement, je vous cite le tweet de Macron. « Un grand bravo et merci à Barbara Pravi de réaliser ce rêve fou d'une jeune fille aux yeux noirs, ce rêve fou de faire briller la France à l'Eurovision. Ce soir, c'est aussi le rêve fou de pouvoir à nouveau vibrer, ensemble en Européen. » Oui, alors il y avait très peu d'Europe hein, dans la candidate française, ce qui devient quand même récurrent, j'ai envie de dire. Alors le JDD nous explique ceci à propos de Barbara Pravi. Bien qu'elle puisse entrer dans la première église qui se présente à elle, cette croyante à la croisée des trois religions monothéistes se ressource à bonne école le jour du Seigneur. Elle savoure le riz persan, le gourmand rituel familial qui vaut bien le poulet du dimanche pour cette Française aux racines entremêlées. Le père, né d'un Serbe et d'une juive pied noir d'Algérie, dispense des cours d'éthique dans les grandes écoles. La mère, née d'un Iranien et d'une juive de Pologne, est devenue inspectrice de l'éducation nationale après avoir été institutrice en CP. Alors, c'était une candidate juive, hein, voilà, il n'y a pas de miracle non plus, alors c'était des superlatifs, hein, elle était comparée. Alors, en même temps, Jacques Brel, Barbara, qui était aussi juive, et Charles Aznavour, hein, alors là, ça y allait, quoi. Je veux dire. Alors, bon, Aznavour, qui était un chanteur, oui, un grand chanteur, pour ceux qui aimaient ce genre, mais qui était réfugié en Suisse depuis des décennies pour ne pas payer d'impôts, et qui, en tant qu'Arménien, appelait à l'invasion totale de la France par les musulmans, ce qui méritait quand même une certaine méditation. Comme ça, en passant sur l'Eurovision, je veux dire, ça devient récurrent. Alors, les années précédentes, on avait eu Bilal Hassani, là, le travelot marocain, un miracle, enfin franco-marocain, un véritable miracle. On avait eu Madame Monsieur qui nous avait chanté l'invasion de l'Europe aussi au profit des migrants. Bon, c'est la France s'inscrit dans une continuité. En passant sur l'Eurovision, quelque chose à dire ? Personne ne regarde bah, ça. Non, mais je suis... Non, bah c'est pas. Bah vous allez pas regarder parce que beaucoup de gens regardent pas en fait. Hein. Et il y a un truc que j'ai jamais compris, pourquoi il y a Israël dans l'Eurovision ? Je sais pas. Il y a aussi, je crois, l'Australie, parce qu'en fait c'est les. L'Australie ? Ouais, je crois, mais en fait c'est parce que c'est pas les pays européens, sont les chaînes de télévision qui ont des relais en Europe, un truc comme ça. Ah. Oui, bah, nous, oui, on est servi. Donc ça pourrait légitimement inclure Israël ou d'autres pays qui ne sont pas sur le continent. Alors, légitimement, je dirais pas jusqu'à dire utiliser ce terme, hein, quand même, il ne faut pas pousser. Hein. Non, mais, bah, si, mais en tout cas, il faut changer le nom, il faut changer, changer la méthode. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais, effectivement, oui, tous les médias sont juifs en France, donc oui. Israël peut tout à fait revendiquer d'avoir une candidate. Un truc. Rappelez-vous, hein, Israël avait gagné avec la grosse, l'espèce de vivendum. Rappelez de ça? Ah oui. Ouais. Il chantait des trucs féministes. Il y avait aussi la femme à barbe là. Ah oui, la femme à barbe. Ah, ouais. Elle s'appelait. Conchita Wurst. Ouais. Conchita la saucisse. Ah, il va la baisser. L'Autrichien, l'Autrichienne, ça va bien changer depuis Adolf. Hein, ah bah oui, d'ailleurs. Mais en fait, il était allemand ou bien il était volontairement. Enfin, il était d'origine basanée ce mec-là. Ce qui était je pense plutôt que c'était un Mehmet, hein, parce que vu la gueule. Ah, il avait une gueule de... Ou alors il devait forcer le trait, genre se teindre les cheveux, je sais pas, mais enfin, il avait vraiment une gueule de basané, quoi. Mais ouais, non, l'Eurovision, on est habitué aux exploits, quoi. Bah, mais bon, la France était représentée par une juive, donc vous voyez, hein, Euro 2021, bon, on en parlait brièvement, voilà, je vais pas revenir. Eurovision, on est représenté par des juifs. Petite parenthèse, juste, ouais. Je vais faire remarquer, c'est souvent dans les articles que les juifs ou les juives sont présentés comme ça. Donc, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais qu'est-ce que le judaïsme, si on lit l'article et qu'on essaie d'un peu de le décortiquer? Bah finalement, c'est rien en fait, un juif ou une juive. C'est quelqu'un comme vous et moi. Juste, bon, c'est un truc de. C'est quelque chose de confessionnel. Donc on se dit, ouais, bah c'est privé, c'est ce qui se passe le samedi ou le dimanche. C'est la seule différence. Ou c'est quelque chose qui a un rapport avec la gastronomie, parce que vous voyez, j'ai une culture juive, donc je peux manger tel plat, etc. Complètement à côté de la plaque, hein, bien sûr. Hein. C'est certainement pas juste une différence de confession ou de gastronomie. Hein. Ça, c'est jamais expliqué dans les articles. Ah bah tu m'étonnes, JDD ils vont pas expliquer ça. Hein. C'est ça. Mais enfin ils ont quand même donné l'information, hein. Voilà, il y a, c'est vraiment bon évidemment il y a d'autres origines, mais enfin elle est quand même, elle est pour moitié juive quoi. Voilà, mais il y en a pour tout le monde, hein. Il y a de l'Ashkenaz et du Sépharad quand même, donc c'est quand même assez ouvert, c'est inclusif. Voilà, mais il y a toujours Anguille Soura, je veux dire, l'Eurovision, tu sais, il y a toujours un message sous-jacent. C'est jamais une candidature, neutre. Il y a toujours une arrière-pensée. Et là, il y en avait une qui était énorme. Mais on n'a pas expliqué ça. Hein. Les gens qui ont vu ça, ils disent « Oh là là, bah, elle chante bien la française. » Ouais, mais elle n'est pas française, t'es pas au courant. Tu vois, mine de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi bien classé. On a fait deuxième. Pourtant, on avait tout essayé. Hein, Les couples à la con, là, en mode féministe, les grosses, les PD, ça, rien ne marchait. Mais là, avec les juifs, on gagne. Presque. D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas gagné totalement. Ce serait pas l'antisémitisme. L'antisémitisme. Il y a peut-être quelque chose. Je m'interroge. Voilà. Mais bon. Alors, messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de Démocratie Participative. nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 19. Écoutez, messieurs, j'ai envie de vous parler de justice, et d'habitude nous parlons du laxisme de la justice, et cette fois-ci nous allons parler au contraire du très grand professionnalisme de la justice. Hein. Il faut le dire, quand la justice est efficace, il ne faut pas hésiter à le souligner. Alors, ça se passe dans la Sarthe. Voici. Ça mérite l'attention. Hein. Un homme de 30 ans a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans dans la Sarthe vendredi 21 mai 2021. Il avait publié des tweets antisémites. Le 17 mai dernier, la brigade d'enquête du Mans est saisie d'un signalement opéré via la plateforme Pharos qui remonte les publications illégales sur Internet. Et oui, la délation est encouragée en France. Hein. Comme vous le savez, ça n'est pas limité, contrairement à la mythologie antifasciste, à l'ère vichiste. Hein. Non, ça a cours aujourd'hui. Un jeune manceau est alors suspecté d'avoir publié un tweet antisémite dans lequel il fait référence à l'Holocauste et à Adolf Hitler et appelle à s'en prendre aux Juifs. Dans son appartement, les enquêteurs ont découvert une cible portant des impacts de couteau, ainsi qu'un calepin sur lequel il a écrit son ras-le-bol de la situation au Proche-Orient, actuellement embrasée par le conflit israélo-palestinien. Durant son audition, le trentenaire affirme s'être emporté après de vifs échanges avec des utilisateurs du réseau social Twitter. Il rejette toutefois tout lien avec l'islam radical et évoque plutôt des débats débiles. Il assure d'ailleurs avoir rapidement clôturé son compte. Les enquêteurs dépeignent un profil inquiétant de par sa marginalité et ses addictions aux produits stupéfiants, mais ne le considèrent pas comme déterminé à commettre un crime. Donc il n'est pas dangereux. Le trentenaire a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel du Mans, vendredi 21 mai 2021. « Pour vous, qu'a fait Hitler ?» lui demande une magistrate. « Un génocide, il a tué plein de gens », répond le prévenu, qui exprime des regrets. « Mon client n'est pas un adepte du national-socialisme, ni un terroriste. » On est plus sur une forme d'antisémitisme d'ultra-gauche en surréaction à la situation actuelle sur la bande de Gaza, estime maître François Rouxel pour la Défense. Ces publications qualifiées d'apologie de crimes contre l'humanité vaudront à l'internaute un an de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt. Alors, messieurs, alors ça y est, hein, on est dans la comparution immédiate maintenant, d'accord? Vous avez compris ça. Donc quand je dis jadis, c'est pas il y a 30 ans, hein, c'est il y a encore quelques mois. Il fallait une instruction assez élaborée, donc qui nécessitait quand même de longs mois, avec un avocat, etc. Alors là, pas du tout. Hein. Là, les forces de police arrivent chez vous, vous êtes menottés, on vous traîne au tribunal, vous avez grosso modo 5 à 10 minutes pour préparer votre défense, donc inexistante. Surtout dans le cas de la personne en question qui est victime d'addiction, hein, nous dit-on. Et voilà. Le cas est tranché, mais à la vitesse de l'éclair, et sans aucune forme de mollesse. Hein, un an de prison ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire que l'intéressé a eu le droit d'aller directement en prison pour purger sa peine, c'est-à-dire qu'il va faire un an derrière les barreaux, en réalité 9 mois compte tenu des réductions de peine automatiques, encore que le pouvoir veut revenir sur cette disposition hein, de réduction de peine automatique, visiblement. En tout cas, c'est un projet. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette justice qui n'a pas la main qui tremble? Qu'est-ce que c'est? Mais le rapport qualité-prix est assez décevant. Je pars d'un principe que casser une bijouterie est quand même plus rentable que faire de la politique. Développe un peu. Ben attends, tu fais une attaque à main armée dans une bijouterie, déjà tu vas pas passer en comparution immédiate, tu vas gentiment être interviewé par les flics qui vont constituer ton dossier pénal de préférence un maximum à charge pour que monsieur le juge d'instruction ait beaucoup plus de facilité. Après ça, tu vas te présenter en cours où tu vas expliquer que maman buvait, que papa était enceinte, que tu as dans ta famille 16 petits frères et sœurs handicapés, que tu es le seul pour pouvoir les nourrir. Et grosso modo, ben on va te mettre 6 mois, éventuellement un sursis. Je dis pas qu'on te rendra ton arme à la sortie, quoique on y est presque. Et puis c'est terminé. Par contre, si tu as le malheur d'écrire un tweet en disant que Adolf Hitler a quand même résolu un problème qui emmerdait toute l'humanité, certes d'une manière radicale, mais au moins qui avait une efficacité certaine. Alors là, mon cher ami, tu es parti pour les galères, fouetté en place publique, bientôt décapité, ça va venir, on les sent chaud pour ça. Voilà, c'est... Il y a une certaine équité dans la truanderie qu'il n'y a pas si tu as si tu as envie de faire de la politique. Ça marche pas, ça, c'est pas bon. Attention, si demain tu vas expliquer à tout le monde qu'en réalité, je sais pas moi, Staline était un type absolument merveilleux et qu'il faut nécessairement prendre tous les Russes capitalistes pour les taper en Sibérie et les faire se crever à la tâche, y compris les prisonniers allemands, voire même certains prisonniers français, je tiens quand même à le rappeler. Là, c'est la même chose que pour l'attaque de bijouterie à main armée. Tu passeras éventuellement, je dis bien très éventuellement, devant un tribunal où, à la limite, on te filera la Légion d'honneur, un paquet de clopes, éventuellement une boîte de cigares cubains et un abonnement permanent à la rotonde aux Champs-Élysées. Tout baigne, c'est génial. Alors, je réagis à ton propos, tu dis Adolf Hitler a voulu régler un problème. Alors, je conteste, hein. Le fondement même de cette thèse, hein, je sais à quoi tu fais, à quoi tu fais allusion, mais je rappelle l'inexistence des chambres à gaz, homicide, en tout cas. Ah non, non, je ne parlais pas du tout des chambres à gaz, je parlais simplement de prendre des gens qui ne foutaient rien et s'engraissaient joyeusement sur le dos du peuple pour les mettre dans des centres de rééducation dans lesquels on leur apprenait, par exemple, à peindre les ailes de Messerschmitt. Ah oui, non, d'accord, oui, là, d'accord, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, alors, c'est dommage pour lui, parce qu'en je, fait... Je me permets de te rappeler qu'un certain Georges Marchais a été formé par l'armée allemande et l'autorité allemande à être un bon ouvrier. Oui, alors Georges Marchais, ancien patron du Parti communiste français, qui a fait son service de travail obligatoire en Allemagne, dans les usines Messerschmitt. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Moscou l'avait choisi, c'est parce que Moscou le tenait par les couilles grâce à cette histoire. C'est tout simple. Mais c'était pas Marchais qui contrôlait le parti, hein, pour ceux qui en douteraient. Mais bon, là, c'est de l'histoire maintenant, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais n'empêche que c'est quand même frappant, hein. Dans un pays comme la France, en 2021, où, franchement, hein, c'est l'anarchie. T'as des émeutes tous les jours, des émeutes raciales, t'as des agressions, en veux-tu, en voilà. Les flics s'en plaignent, d'ailleurs, on va y revenir. Bon, on peut pas faire tout le compte, quoi. Hein. Tu regardes les peines qui tombent, tu rigoles. Par contre, les mêmes magistrats qui ont... Ils ont des explications toutes plus sophistiquées les unes que les autres pour justifier de leur politique pénale, etc. Bon. Qui est jamais la véritable, d'ailleurs. Ils disent, on n'a pas de place, en fait. Ils devraient le dire, hein, ça serait plus honnête. Mais ils disent, voilà, vous comprenez des trucs, machin. Alors là, mais d'une rigueur, d'une dureté, d'une... implacable avec le prévenu, hein. Qui d'ailleurs se répand en excuses. Alors ça n'a pas été payant, parce qu'il a pris le max. Il a pris le maximum, hein. Il a dit oui, non, mais Hitler, il a commis un génocide, c'est un salaud. J'étais un peu égaré, je m'en veux. En plus, il peut prêcher, il peut prêcher pour sa paroisse. Il peut dire non, mais vous savez, moi, j'ai des problèmes dans ma vie, je consomme beaucoup de drogue, des Prozac, je suis pas vraiment. Putain, non. Un enferme, ah, tu vois. Alors que le mec, de l'aveu des flics, hein, n'avait aucune espèce de projet violent. Hein, il n'y avait rien. Les flics le disent. Hein. Ils disent non, le mec, en fait, est juste un mec un peu marginal, qui s'énervait tout seul sur Twitter. Et il ne devait pas être d'ailleurs très suivi, mais bon. Un enferme. Il y a donc une hiérarchie dans les menaces à traiter. Et visiblement, la grande susceptibilité des juifs figure tout en haut des priorités édictées par Monsieur le garde des Sceaux, qui est Monsieur Dupont-Moretti, qui d'ailleurs a changé le titre de son ministère, qui n'est plus le ministère de la Justice, hein, et qui est le ministère de l'antiracisme, si vous vous en rappelez. Hein, il a dit « je suis le ministre de l'antiracisme et de la lutte contre l'antisémitisme ». Mais d'abord l'antisémitisme. Voilà, quelqu'un d'autre là-dessus, sur ce genre de... Bon, bah, si c'est un an pour un tweet, un seul tweet, hein, si c'est un enfer pour un seul tweet, je vous laisse imaginer ce que ça sera pour des gens qui sont un petit peu plus engagés politiquement et un peu plus structurés, quoi, hein, qui peuvent éventuellement prendre la parole. Là, bon, là... Je pense qu'ils vont sérieusement songer à réouvrir le bagne. Je pense qu'ils vont réouvrir le bagne pour les antisémites, je pense. N'insiste pas trop, hein, sinon je te remets ma démission. Personne là-dessus, sinon... Les autorités... Attendez, pas tous en même temps. Je vais prendre Porovitch. Oui, faut comprendre que le crime, en fait, dans notre société aujourd'hui, c'est l'idéologie. Le crime, c'est t'en prendre à l'idéologie de l'État. Tu peux violer, tu peux tuer, tu seras arrêté une fois sur trois, quand on te condamnera, tu seras condamné archi à minima, hein, d'où le fait qu'on régulièrement, on apprend que tel assassin avait déjà 4 meurtres à son actif, des dizaines de condamnations pour des faits de délinquance. Mais par contre, si tu dis un mot de travers, notamment sur les juifs, là c'est vraiment le pire que tu peux faire, là, au premier dérapage, maintenant, tu prends un enferme. Et comme tu le dis, ça va très vite, c'est comparution immédiate, mandat de dépôt, donc tu vas directement en prison en sortant du tribunal. Donc voilà, il faut bien comprendre, le crime des crimes, c'est le crime idéologique. Bon, il faut voir aussi qu'en même temps, il y a un peu une connivence entre l'État et les délinquants. On est dans un système aussi qui est une espèce d'anarcho-tyrannie. Oui. Donc finalement, ils n'ont pas trop intérêt à condamner les délinquants. Mais par contre, oui, les délinquants idéologiques, alors là, pas de pitié. Oui. J'ai un bel exemple. Vous savez, il y a je ne sais pas combien d'Algériens, de binationaux, en France, qui ont des casiers judiciaires énormes, les mecs, ils ont 5, 10, 15, 20 affaires, et les types ne sont pas expulsés. Mais attention, si le type, il bosse chez Uber ou je ne sais pas trop quoi, et qu'il refuse de servir les juifs, là, le type, il est expulsé dans la semaine. Ah oui, semaine. On en avait parlé, effectivement, c'est tout à fait juste, ouais. C'était en Alsace, ça. Ouais. C'était en Alsace, c'était un immigré algérien qui travaillait, pour le coup, putain, on en avait trouvé un qui bossait, oh. Je veux dire, franchement, enfin, il était sur un vélo, quoi. Non, mais il avait que des qualités, cet homme-là. Je veux dire, il travaillait, il refusait de servir les juifs. Ah, excusez-moi, moi qui suis quand même très raciste, je dois dire que cet Algérien faisait honneur quand même à son pays. J'ai envie de dire, quitte à avoir des Algériens en France, est-ce qu'on peut nous en envoyer davantage des comme ça, je veux dire, plutôt que d'avoir des racailles à tir là. Bon. Voilà. Alors lui, par contre, ah mais ça, je suis d'accord avec toi. Là, Darmanin, Darmanin, je sais pas quoi. Il a une ligne. Ça allait vite, hein. Ah, c'est allé 3 semaines. Oh, moins que ça. T'as eu le consistoire qui a fait un déplacement. Ouais, le débris, la licra. Le mec, en 24 heures, t'as eu le déplacement et tout. Les mecs sont venus. Je sais pas s'ils ont pris des photos. Peut-être qu'il y aura un monument. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura un téléthon. Peut-être. C'était possible. Il y a eu un cas similaire, c'était à Sarcelles, c'était un pack-pack. Un pack-pack ou un Afghan, je ne suis pas très sûr de la nationalité. Et alors le mec déambulait avec un schlass dans la rue. Il était visiblement atteint, le mec. Vous allez me dire, oui, bon, quoi de neuf, ils sont tous atteints. C'était un déséquilibré, n'est-ce pas? Mais pour le coup, il avait l'air d'avoir des problèmes dans la soupière, quoi. Et alors il déambule comme ça dans la rue, et à Sarcelles, il y a un kibbutz à Sarcelles, je ne sais pas si vous êtes au courant. En déambulant dans la rue, il passe devant la synagogue. Et le gars, il est là, il a l'air menaçant avec son couteau et tout, mais il est confus, il n'y a pas vraiment de menace ou de machin. Enfin, il brandit son couteau et tout, mais il n'y a pas de menace à caractère antisémite, quoi. Il ne dit pas, ouais, vous les juifs, je vais vous assassiner. C'est visiblement un type qui était en situation irrégulière, qui avait un schlass, qui était peut-être complètement camé, on ne sait pas trop. Mais il y en a, des tas et des tas de cas comme ça. La semaine dernière, d'ailleurs, il y avait rappelé Petite Française qui nous avait écrit son courrier, son témoignage, et qui assurait la sécurité dans une gare d'Île-de-France, nous expliquait qu'il y avait plein de tarés comme ça qui étaient relâchés par Sainte-Anne, l'hôpital psychiatrique, comme ça, voilà. Et celui-là, en fait, les Juifs ont hurlé à l'antisémitisme. Alors, ils ont regardé, il y a eu une enquête, ils ont dit, bon, a priori, non, il n'y a pas de mobile antisémite, quoi. Le type n'a pas tenu de propos, voilà, quoi. Rien à foutre. Darmanin l'a foutu dans le premier avion direction Islamabad, au revoir. Mais rien à foutre, quoi. Quand tu sais que tu essayes de virer des migrants clandestins, ça arrive parfois, hein. Mais ils te font des recours, sur recours, appel, contre-appel, c'est un truc de fou, hein, quand tu veux virer... C'est pire que ça. Même quand il s'agit d'islamistes, de gens qui ont combattu, ouais, pour l'État islamique, même ceux-là, on ne peut pas les virer, on nous oblige de les reprendre. Ouais. Alors, mais celui, putain, 3 semaines, à la vitesse de l'éclair. Alors, je dis pas que le mec n'était pas dangereux. Je suis d'accord qu'il était dangereux. Et effectivement, qu'il fallait le renvoyer. Mais je veux dire, des cas comme ça, il y en a des tonnes, quoi. Et d'ailleurs, il y a des mecs. Gandalf. Ouais. Gandalf, n'oublie pas que non seulement il a été renvoyé sine die, mais tu n'as eu aucune association de gauche qui est intervenu pour dire oui mais non, mais écoutez, il faut l'envoyer dans un château pour caresser les chats. Rien du tout. Alors que d'habitude, quand tu fous un blaireau dans un avion destination son pays d'origine, les passagers se lèvent pour que le pilote puisse pas décoller. T'as un club absolument extraordinaire de cons qui sont là à l'aéroport pour empêcher justement... Que le type ne se barre. Ici, rien, que dalle. Un paquet de linge sale, fourgué sur un siège, bye bye. Exactement. Et c'était la même chose pour le cas de Strasbourg. Alors, ça ne me surprend pas. Hein. Antiracisme oblige, on ne peut pas toucher aux Juifs, donc la gauche est restée à distance. Mais c'est allé très très vite. Hein. Ça va très très vite, et ça ne va très très vite que si l'on... Alors, pour le coup, on n'a même pas touché à un cheveu d'un membre du peuple élu. Mais si la juiverie proteste, c'est voilà, pratiquement le premier vol pour le pays d'origine. Alors, je dis quand même par souci d'honnêteté, effectivement, ce Pakistanais qui brandissait un couteau dans la rue était dangereux. Bien sûr, il fallait l'expulser, mais je m'empresse de dire qu'il faudrait virer absolument, et ça serait vraiment qu'un minimum, il faudrait virer tous les migrants clandestins. Et évidemment, a fortiori, s'ils manifestent des signes de dangerosité. Mais on le sait très bien que ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'a dit aussi pour eux. Il a dit, voilà, on va même reprendre les djihadistes qui sont en Syrie. Je veux dire, on les récupère, même ceux-là. Alors, c'est pour vous dire. Et ils n'ont pas brandi que des couteaux, ces mecs-là. Donc, voilà. Donc, bon, vous avez compris qui c'est qui mène encore la barque, quoi. Voilà. Donc, Est-ce qu'on ne peut pas expulser les paquis après qu'ils fassent des rondes de sécurité autour des synagogues? On les laisse d'abord faire les rondes de sécurité, puis après on les expulse. J'aimerais pouvoir te répondre, mais malheureusement, je ne suis pas aux responsabilités au ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai des idées comme ça. Moi, au ministère de l'Intérieur, j'ai plein d'idées. Hein. Ah, mais il faut être créatif. Moi, je dis qu'il faut être créatif. Surtout qu'on est dans un environnement qui favorise la créativité, vous voyez. Donc, je pense... Après, le mec, il se sent en danger. Il a un couteau sur lui. Bon, c'est normal, hein. Attends, en même temps, quand tu marches dans un quartier où il n'y a que des Juifs, tu ne te sens pas un peu menacé aussi, tu vois? Est-ce que ce n'était pas quelque part la légitime défense? Ça pouvait être plaidé quand même. Voilà. Mais il n'a même pas le droit à un débat contradictoire. Surtout que ces gars-là ne s'habillent pas comme nous. Hein. Ils ont quand même des tenues assez bizarres. Hein. Agressives. Ils ont des chapeaux en peau de bête. Ils ont des espèces de petites casquettes très petites sur le dessus de la tête. Des vestes qui ressemblent plus à des tabliers. Mais ça, à mon avis, c'est l'expérience Messerschmitt. Donc, il faut voir. Ils ne sont pas comme nous, les Juifs. Hein. Excellent. Déjà, se balader dans Paris, c'est une expérience assez dangereuse. Hein. Il peut y avoir des nègres fous qui violent des camés en plein milieu. Ah, j'ai vu ça, ouais. 19e, ça. 19e arrondissement, ouais. C'est un quartier... C'est le quartier à nègres aussi. Hein. C'est le quartier... Donc, quartier Stalingrad, c'est à côté C'est les craqueux. C'est les nègres sous craque. Il y a la Goutte d'Or, Clignancourt, je ne sais plus, c'est à l'est du Sacré-Cœur. C'est le quartier, il ne faut pas aller. Une fois, je me suis rendu, la première fois d'ailleurs que je me suis rendu au Sacré-Cœur, je m'étais arrêté au métro Barbès. Je ne connaissais pas bien Paris. Ce n'est pas le plus proche. Je suis descendu du métro Barbès, je fais, oh la vache! Et le Sacré-Cœur, il est à côté, hein, il est à 5 minutes, quoi. Et, changement de décor. Hein. Qu'est-ce qui t'a dérangé à Barbès? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Ouais, il faut dire que Barbès, c'est pas très loin de Stalingrad. Hein. Ah ouais, mais c'est à côté. Hein. Ouais, voilà, ouais. Tous les rouges font leur manifestation en partant de Stalingrad. Ouais, bah oui, la mythologie rouge, évidemment. Forcément. Donc tu commences à Stalingrad et tu finis à Alger. Hein. Tu voyages beaucoup en quelques centaines de mètres à Paris, je veux dire. Bon, mais les rouges y tiennent beaucoup. Mais ouais, non, mais Barbès. Bah, c'est là qu'avaient lieu les manifestations pour la Palestine. Alors, ouais, bah ils sont déjà sur place, les types, c'est bien. Oui, voilà. Je suis à domicile. Voilà, la Palestine est sur place, effectivement. Mais il y a 10 jours, là, parce que ce week-end, ça a été interdit. Mais il y a 10 jours, elle était là. Hein. Il y avait énormément de gens dans les rues. Hein. Il y avait, enfin, de gens. Il y avait du public. Mais non, il y avait énormément de bico. Hein. Mais c'était très local. Par contre, à Londres, il y a eu une grosse manifestation ce week-end. Et ils évaluent à entre 150 et 200 000 personnes. Hein. C'était massif. Hein. Et là, je veux dire. Ouais, bon, heureusement que la City s'est très solidement défendue, mais l'équipa, à mon avis, va falloir commencer à s'inquiéter. Hein, parce que là, c'est chaud. Hein. À Londres, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Pareil, il faut envoyer tout ça au fameux quartier de Stalingrad. Hein. Moi, j'y tiens. Encore une autre idée. Hein. Ouais. Enfin bon, la très grande dureté hein, de la justice française, quand l'essentiel, j'allais dire quand les valeurs de la République sont ou les voleurs de la République sont menacés, je sais pas. Mais... voilà. Enfin bon, il faut savoir mettre des priorités. Bon ben, il vient de la gauche, c'était un marginal qui avait des problèmes personnels visiblement, il était un peu énervé, il avait un compte Twitter, 60 abonnés, et voilà. Il faudra peut-être un jour qu'on trouve on explique une combine à nos auditeurs pour s'inscrire sur Twitter, mais sans le lier à son numéro de téléphone personnel. Ça pourrait aider certaines personnes, je pense. Il y a un sujet à creuser. Justement, tiens, puisqu'on parle de manif, est-ce qu'on peut revenir un peu brièvement sur la manif des flics devant l'Assemblée nationale qui a rassemblé, alors bon, les chiffres varient, une dizaine de milliers de personnes. On a vu des gens comme Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Jordan Bardella, toute une série de personnes comme ça, et même des gens de gauche aussi hein, qui sont venus. Mais j'ai vu des commentaires très critiques. J'ai vu que Anne Hidalgo, ce week-end, a réagi de manière très critique face à cette mobilisation. Dupond-Moretti riposte. Darmanin était censé être sur place. Il était... Là, on est dans une configuration très étonnante. Je pense que ça mérite qu'on s'y arrête. Donc, Darmanin, ministre de l'Intérieur, se déplace en soutien à ses fonctionnaires qui manifestent devant l'Assemblée nationale contre son propre parti, sa propre majorité, pour contester l'incurie totale du ministère de l'Intérieur. C'est assez original, je dois bien le dire. Et Darmanin a soutenu à fond. Il y avait tous les partis politiques qui étaient représentés, sauf d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Et il y a une forme de résistance, il y a Anne Hidalgo qui a dit non, maire de Paris, et aussi Dupond-Moretti qui a finalement, après un temps de latence quand même, il faut bien le reconnaître, qui a dit que en fait, l'attitude des policiers rassemblés devant l'Assemblée nationale qui consistait à remettre en cause la justice était une dérive, je cite, totalitaire, hein, ne rions pas, hein, de la part de ce fanfaron hein, obèse, donc qui met en prison des gens pour des tweets. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Je pense que vous avez vu des images de toute façon. Voilà, bon, alors des flics qui manifestent, c'est rien de nouveau, hein, je vais vous rappeler, hein, il y a peut-être 3 ans de ça. Oui, c'était avant 2017, il y a eu un mouvement de grève aussi, des flics gueulaient, ils gueulent tous les 5 ans, grosso modo. Ça change rien, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Rien, y a rien qui vous a marqué là-dessus? Ah bon. Pour le peu que moi j'en ai vu, on a eu notre ami Darmanin qui s'est joyeusement fait huer, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu Zemmour et le vicomte de comment dire, je reviens plus sur son parc d'attractions. Le Puy du Fou. Oui, c'est ça, le Puy du Fou, qui se sont manifestement bien amusés, qui ont été relativement bien vus par les manifestants. Mais, comme tu le disais si bien, c'est une manif qui a lieu tous les 5 ans. Je me demande même si elle n'est pas prévue quant à l'indexation des taux d'intérêt sur les emprunts des différentes maisons ou appartements, compris les flics, et pour pouvoir les acheter. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont gueuler comme des putois, ils vont avoir, comme toutes les manifestations, hein, soyons très clairs, pas uniquement les manifestations des flics, on te paralyse le pays pendant un jour, une journée, une semaine, un mois, pour une augmentation de 5 euros. Donc, c'est le grand système, le grand show. Par contre, là où effectivement il y a des choses qui m'ont intéressé, c'est de voir Zemmour et le pseudo-héros du Puy du Fou ensemble. Il est clair que Zemmour va se présenter au présidentiel. Est-ce qu'il y a un intérêt dans l'information? Alors, oui, dans un sens, parce que ça risque d'emmerder le clan Le Pen, ce qui est une chose très intéressante. Maintenant, le gros problème, c'est, bon, Zemmour, tout le monde connaît ses opinions, mais tout le monde connaît son obédience. C'est pas forcément la nôtre. Mais surtout, le gros problème, c'est que tous ces gars-là vont faire des contre-feux qui vont affaiblir l'électorat de droite et d'extrême droite et qui, de toute manière, vont permettre à Macron d'avoir, au final, une porte ouverte pour les élections. Et ça m'inquiète beaucoup. Oui, certains, enfin beaucoup, je pense, partagent ton opinion. Moi, je ne crois pas aux élections, donc je suis immune de ce côté-là. Mais oui, t'as raison. Il y avait beaucoup d'arrière-pensée politique derrière les personnes, enfin beaucoup d'arrière-pensée politique qui animaient les personnes qui se sont rendues à ce déplacement. Donc évidemment, les flics ont joué le jeu parce que finalement, ça permettait d'accroître la visibilité de leur manifestation. Je note quand même qu'elle a eu lieu devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un geste totalement anodin. Mais on est dans une situation très étonnante. Je veux dire, on a un ministre de l'Intérieur qui manifeste avec des policiers contre son propre gouvernement. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'il demande. Plus de moyens, mais lesquels? Je comprends pas. C'est une augmentation de salaire, ils veulent plus d'armement, etc. Parce que le lendemain, on les a vus braquer les Français qui étaient sur les terrasses avec des fusils automatiques. On a vu ces scènes-là, je veux dire. On a vu des policiers français avec des armes automatiques, des armes de guerre, d'accord? Demander à des petits Français qui étaient en train de boire des verres de dégager parce que le couvre-feu, machin, vous voyez, vous avez le droit d'aller sur les terrasses, mais c'est quand même jusqu'à une certaine heure. Toi. Donc, tu es dans une espèce de, comme ça, de climat très étrange où, quand tu écoutes les flics, tu as l'impression qu'ils sont désarmés, ils arrivent à rien. Et puis le lendemain, tu vois, ils se comportent comme une police d'occupation avec leur propre peuple. Vous voyez, pendant que les bougnoules et les nègres font n'importe quoi. Et ils ont carte blanche pour Oui, le et faire. alors C'est attention, bon, attention, c'est quand attention. même étonnant, je veux dire. N'oublie pas que dans la grande famille des nationalistes français, la police nationale et la gendarmerie sont des héros, bien entendu. Il y a un énorme problème psychologique qu'il va nécessairement falloir résoudre, parce que je rappelle quand même que comment dire, les gilets jaunes, première époque, se sont fait crever les yeux par la police nationale, que de nouveau, tu le dis si bien, les gars qui sont en train de boire un pot en terrasse devant leur troquet se font dégager, alors pas à coups de fusil d'assaut, encore heureux, mais au train où vont les choses, ça risque de venir. Alors je crois qu'à un certain moment, il va bien falloir faire une différence entre la police du régime, et la police que nous aimerions avoir, qui n'a absolument rien à voir avec cette espèce de milice de bas étage qui de toute façon ne peuvent strictement rien faire à part des manifestations qui sont de vastes blagues et qui de toute manière ont un boulot uniquement pour se permettre de payer les crédits pour leur appartement. Point barre, c'est tout. Moi j'ai une question, tu parles de police du régime, il faudrait faire une différence avec la police du régime, mais dans l'histoire, moi, j'ai des exemples comme ça en tête où l'armée a pris le parti du peuple contre l'État, mais je n'ai pas souvenir d'exemple où la police aurait pris le parti d'une population contre l'État. Ça me semble que ça n'est jamais arrivé, ou ça a dû être arrivé très rarement. Je crois que ça nous dit quelque chose un petit peu sur la nature de la police. Voilà. Je crois que ces gens-là sont toujours aux ordres. Le jour où ça va péter, ils vont se cacher dans leur caserne pour sauver leur cul, et ils ressortiront pour faire allégeance aux nouveaux vainqueurs. Je crois vraiment qu'il n'y a rien à attendre de la police, mais rien. C'est toujours une police du régime, toujours, toujours. Alors, c'est très bien formulé, c'est exactement ça. Par curiosité historique, moi, je m'étais intéressé à la période de l'interrègne après Waterloo, une période intéressante, puisque nous avons une très grande instabilité politique en France. Hein. Donc, en 1814, donc, Napoléon se retire vers la France avec l'armée française. La coalition européenne pénètre en France. Les derniers combats ont lieu autour de Paris. Il abdique, on l'envoie sur l'île. Sur l'île d'Elbe, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est l'île La première, oui. À Elbe, voilà. Bon, et là, en fait, il y a une espèce de... Donc, on restaure... Enfin, la monarchie est restaurée, les Bourbons s'installent à nouveau au pouvoir. Et donc, nous avons là un appareil policier qui a été créé, façonné par Fouché, donc qui est, si vous voulez, construit par et pour le bonapartisme, et qui prête allégeance, en fait, à la nouvelle monarchie. Bien. Ça se passe assez bien, je veux dire, du point de vue de la police. C'est-à-dire que vous avez quand même... parce qu'il faut voir le truc. Pourquoi j'insiste sur ce point-là, enfin, pourquoi je prends ce détail, c'est très intéressant, parce que, notamment dans l'ouest de la France, vous aviez la chouannerie. Alors, les phases les plus violentes sont connues, c'est la Vendée. Alors, la Vendée, c'est pas tout à fait la chouannerie, mais c'est lié. Hein. Mais il y avait des phases d'insurrection, et la résistance de la chouannerie a duré non seulement après 1793 et 94, mais elle a duré durant tout le règne de Napoléon, parce que la chouannerie voulait restaurer la monarchie. Et donc, ces gens-là ont été traqués par la police. Et forcément, quand en 1814, Napoléon a été évincé et que la monarchie est revenue, une monarchie faible, une monarchie mise au pouvoir par la coalition étrangère, la fidélité de la police était très importante. Et évidemment, les rapports entre les anciens chouans et la police étaient extrêmement difficiles, parce que c'était la police de la nouvelle monarchie, mais c'était les gens qui les traquaient il y a quelques mois avant. C'était très intéressant. Mais ça n'a duré que très peu de temps, puisque Napoléon a fait son retour. Il a quitté l'île d'Elbe, comme vous le savez, il revient en 1815. Il y a les fameux 100 jours. Quand Napoléon perd après Waterloo, il se retire sur Paris, il abdique à nouveau, il part. Et là, tous ceux qui étaient à nouveau précipités au pied de Napoléon, comme si de rien n'était, là sont vraiment frappés par le nouveau pouvoir monarchique, lors de la seconde restauration, en fait. Et c'est là que l'attitude de la police est très intéressante. Parce que ces gens-là avaient fait semblant de suivre la première restauration en 1814, mais dès que Napoléon a posé le pied sur le territoire français, ils sont tout de suite revenus au pied de Napoléon et se sont remis à traquer les chouans. Et du coup, lors de la deuxième restauration, là, ils avaient complètement disparu. Et j'avais lu un travail historique là-dessus, très, très, très pointu. C'était dans plusieurs départements de l'ouest de la France. Pendant plusieurs mois, la police française a disparu. Et la gendarmerie, c'était la gendarmerie surtout. Et la police dans les villes. Complètement disparu. C'est-à-dire, ils se sont planqués. Les flics se sont planqués pendant des mois lors de la deuxième restauration. On ne les voyait nulle part. Les policiers n'osaient pas se montrer de peur d'être lynchés par la population qui était massivement acquise à la monarchie. Les populations de l'ouest de la France, j'entends. Hein. Donc les populations de l'ouest de la France acquises à la monarchie lors de la deuxième restauration avaient vu que les flics travaillait en fait pour le pouvoir républicain et ou bonapartiste. Et leur absolu manque de loyauté et de dignité avait vraiment provoqué des velléités d'en découdre avec eux, quoi. Et ce n'est que plus tard, mais vraiment tardivement, hein, 6 mois après, qu'ils ont commencé à reprendre timidement leur travail de police dans les villes et dans les campagnes. Mais c'était très intéressant à voir. C'était très intéressant à voir, et je pense que ça se reproduirait à peu près de la même façon. Ce que dit Porovitch, quoi, hein, voilà, c'est des gens qui sont... Alors évidemment, individuellement, le petit policier, si vous voulez, il n'est pas dans ces considérations-là, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup de policiers qui sont, je crois, qui votent massivement pour Marine Le Pen, mais faute de mieux, c'est tout. Voilà, c'est... Bon, ils votent pour la sécurité, d'accord. Mais attention. C'est pas eux qui donnent les ordres. C'est les grands hiérarques de la police qui donnent les ordres. C'est pas les petits policiers. Voilà, ils suivent comme ça, ils sont un peu brinque-ballés par les événements, mais voilà, c'est à noter quand même. Mais historiquement, Porovitch a raison. Jamais une police n'a pris l'initiative, en France pour autant que je m'en rappelle, n'a pris l'initiative de se solidariser d'un mouvement révolutionnaire. Il a pu, si vous voulez, ensuite accepter ou se mettre à l'écart, mais il n'a jamais été moteur. Jamais été moteur. Oui, je voudrais ajouter un truc. Je regardais un reportage sur l'extrême droite sur France 2, là, et je voyais des mecs qui avaient essayé de constituer des groupes un petit peu pour se défendre contre l'islam. Et ils expliquent dans le reportage que les types se voyaient quelque part comme de bons républicains, des continuateurs du général de Gaulle, dans l'esprit de la résistance, et que finalement, ils se percevaient comme des auxiliaires de police. Alors là... Faut arrêter. C'était quel reportage et c'était quand et... C'était un reportage qui a quelques semaines, je pense qu'il a. Ouais. Oui, il n'est pas très vieux, moins d'un mois. D'accord. Sur France 2, type complément d'enquête. D'accord. Et c'était les groupes qui se présentaient comme ça, ils se pensaient comme ça. Voilà, ils se pensaient comme ça, comme des gens dans la continuation de la résistance, face à un islam hostile et des auxiliaires de police. Je cite leur reportage. Complément d'enquête, ultra-droite, la nouvelle menace France 2. D'accord. Ouais, oui. Merci, Pierrot. Donc voilà, et ben ça, vous voyez, c'est pas comprendre notre situation, des gens qui pensent comme nous, ce n'est pas comprendre ce qu'est la police. Vous ne serez jamais du côté de la police. La police, elle est du côté de l'État. L'État, il vous déteste. Et c'est à peu près tout ce qui reste comme idéologie au sein de l'État, c'est l'antinazisme. Vous n'êtes pas des auxiliaires de police. Hein. Faut arrêter. Hein. Non, vous êtes leurs ennemis. Vous êtes les gens qui vont arrêter. Donc il y a besoin de prise de conscience, là. Oui, alors, je vais quand même préciser une chose, c'est important. Alors, moi, je ne suis pas anti-police, par exemple. Tout État organisé a besoin d'une police. Donc, ce n'est pas l'institution policière en tant que telle qui est un problème. C'est la philosophie qui guide la police à un moment donné dans un pays donné. C'est très différent. Et ce qu'on dit ici, je crois, et c'est le consensus, à mon avis, enfin, vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, mais c'est que la police, aujourd'hui en France, accompagne une politique destructive. Qui sape les fondements de la société. C'est-à-dire qu'en protégeant l'ordre établi, le pouvoir établi, elle accompagne l'entreprise d'anéantissement physique du peuplement historique de la France. Hein. En fait, en soutenant le régime républicain, ils permettent à la politique d'invasion totale de se dérouler en bon ordre. En gros, c'est ça. Et c'est ça rejoint ce que tu dis. Tu dis, voilà, si tu dis, voilà, y a des groupes qui pensent que, parce qu'ils résistent à l'islam, ils sont les alliés naturels de la police. Attention, et je suis d'accord avec ce que tu dis, la police a d'abord et avant tout, voire exclusivement, pour fonction de défendre l'État. Et tout le monde le comprend comme ça. Donc, tant que la tête de l'État ne change pas, la police continuera à faire ce qu'elle fait, voilà. Et d'ailleurs... Moi, j'en fais pas un procès. Je veux dire, voilà, la police est un bras, ce n'est pas la tête. On ne peut pas demander à la police de penser. La police est un bras de l'exécutif. Ça, il faut bien le concevoir. C'est pour ça que, même si nous avons beaucoup de gens qui, dans la police, peuvent être d'accord avec les constats que nous formulons, parce qu'ils vivent au quotidien, en fait, le constat dont on parle, l'invasion et ses conséquences, quoi. ceux qui les payent contrôlent l'appareil d'État. Et en dernière analyse, leur loyauté va à ceux qui les emploient, tout simplement. Hein. C'est pas sorcier à comprendre ça. Ce sont des fonctionnaires d'abord et avant tout. Donc ça, c'est très important à comprendre. Après, dans la hiérarchie policière, il y a des gens qui idéologiquement sont motivés. On a souvent parlé du rôle de la maçonnerie, etc. Il n'y a pas que la maçonnerie d'ailleurs. Il n'y a même pas besoin d'être maçon d'ailleurs pour adhérer à l'idéologie de mort qui pilote l'État français. Et ces gens-là, ce sont eux qui donnent le là. Voilà. Et ils sont très peu contestés. En plus, le travail des syndicats, c'est justement ça. Le travail des syndicats, mais c'est pareil dans toutes les branches. Hein. La CGT fait le même boulot. Le rôle des syndicats, c'est de toujours canaliser la base pour le compte de l'État. D'accord ? Donc les syndicats n'ont jamais représenté la base face au pouvoir politique. C'est exactement l'inverse. Le rôle des syndicats est de représenter le pouvoir politique vis-à-vis de la base. Alors là, j'ai une excellente information à te fournir. C'est que les syndicats sont en général, enfin, on se donne pour mission d'aider les travailleurs. Eh bien, si vous voulez vous amuser, allez voir au Prud'homme le nombre d'employés d'organisations syndicales qui déposent plainte contre leur syndicat pour harcèlement sur le lieu de travail, non-paiement de salaire et autres. En fait, les gens qui bossent dans les syndicats sont les plus mal payés et les plus mal considérés, alors que leur propre organisation a pour but de faire appliquer les lois et les règlements. Donc, on dit souvent que c'est rarement le sabotier qui est le mieux chaussé. J'aime autant vous dire que les arrêts de cours sur les syndicats, ça vaut le coup d'être vu. Hein. Alors, juste sur le propos de Porowicz aussi, je disais que la fonction de la police est de défendre l'État, peu importe qui contrôle l'État. Il faut comprendre aussi le point de vue de cette police au plan sécuritaire. Et pourquoi ce que dit Porowicz est totalement justifié. Du point de vue de la police, il faut garantir le statu quo, c'est-à-dire la stabilité de l'État. Et ceux qui sont aux commandes, évidemment, veulent la stabilité de l'État, puisque c'est la stabilité de leur pouvoir. Parce que l'État n'est pas une entité découplée des influences de réseaux ou de lobbies. Il est au service des lobbies qu'il contrôle à un moment donné. Or, ceux qui organisent l'invasion de masse aujourd'hui entendent bien que cette invasion continue. Et ils entendent bien juguler les forces centrifuges qui sont générées par cette immigration de masse. Concrètement, plus vous faites venir d'immigrés musulmans, plus il y a de musulmans, plus ils se comportent comme des musulmans, 10 millions, 15 millions, 20 millions, etc., plus ça déstabilise la société française historique, forcément. Donc se créent des forces contradictoires qui s'affrontent et qui déstabilisent l'ensemble. Le rôle de la police, c'est pas de prendre parti. C'est pour tenir ensemble toutes ces forces. C'est de contenir les forces centrifuges. C'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est pour ça que même si dans leur pratique quotidienne, les policiers sont les premières cibles de l'envahisseur musulman, leur fonction n'est pas de lutter contre les musulmans. Leur fonction est de garantir la stabilité de l'État. C'est la condition de leur salaire et de leur statut. Donc, comprenez, si jamais il y a des policiers d'ailleurs qui venaient à en douter, et qu'ils le manifestaient, ils sont cassés, ils sont virés. C'est aussi simple que ça. À la minute où un policier veut prendre parti pour son pays au détriment de la clique au pouvoir en brisant cette pseudo-neutralité, en rompant en fait avec le pouvoir établi, il est cassé. C'est aussi simple que ça. Donc, les policiers le savent, ils savent très bien ce que leur coûterait le fait de rompre. Voilà. Donc les policiers se protègent entre eux autant que possible. Et encore, hein, ils se tirent énormément dans les pattes. Hein, parce qu'entre les syndicats, la hiérarchie, ça, c'est quand même pas piquer des hannetons. Hein. Mais autant que faire se peut, ils essayent de ne pas trop se mêler de voilà. Et donc, ils veulent... en gros, hein, dans le naufrage, ils veulent une porte de sortie. Ils veulent une porte de sortie. Voilà. Ils ne veulent pas que les conséquences les plus dures tombent sur eux. Autant que faire se peut, bien sûr. Mais je me méfie beaucoup, précisément parce que la police répond aux ordres du pouvoir établi, des demandes de pouvoir exceptionnelles que semblent formuler certains policiers. Parce qu'ils peuvent nous dire « Oui, oui, non, mais attendez, attendez, c'est pour lutter contre l'islamisme. » Oui, ça, c'est ce qu'on nous dit pour justifier. Mais moi, je veux voir l'application. Et à chaque fois qu'on accepte de donner des pouvoirs exorbitants à la police, ce n'est jamais pour le motif invoqué en premier lieu. Jamais. C'est toujours contre la population autochtone. Toutes les lois antiterroristes ont été conçues comme ça. Voilà, tu vois, au départ, les lois antiterroristes, c'est pour taper sur Mohamed qui, je ne sais pas quoi, il veut foutre. Bon, au final, tu as un paumé dans la Sarthe, au Mans, tu vois, il prend un enferme parce qu'il a écrit un truc sur Twitter. Voilà. Parce que soi-disant, il fomentait, je ne sais pas quel acte terroriste qui n'existait pas. Voilà. Voilà, c'est toujours comme ça. Moi, je vois la police en armes, avec des armes de guerre. Ils ont demandé des armes de guerre parce qu'attentat, parce que truc. Ils ont des armes de guerre et ils les exhibent sous le nez de petits Français qui boivent un verre de bière après avoir été internés pendant des mois à leur domicile. Ou semi-internés. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Je me méfie beaucoup de ces réclamations. Voilà. Parce que entre la motivation et l'application, il y a une grande différence. Et brièvement en passant, oui, comme tu le dis bien, Diabolique, Éric Zemmour est candidat. C'était son premier déplacement public qui n'était pas anodin. On a vu De Villiers qui était là aussi, avec Jean Messia ou Sam Messia. Bon, vous en penserez ce que vous voudrez. On en parlera peut-être une prochaine fois. Peut-être que vous voulez faire un commentaire éventuellement sur la candidature Zemmour. J'ai un petit aparté, si tu me le permets. C'est passé quasiment... ça a été assez discret dans les médias. C'est la déclaration de monsieur le garde des Sceaux hygiénique qui consiste à dire « Voilà, j'ai pris la décision pour réduire les retards judiciaires aux civils d'engager 1000 fonctionnaires au ministère de la Justice. » Et évidemment, ça a fait un petit encart dans la presse où tout le monde applaudissait joyeusement des deux mains en disant « C'est merveilleux, c'est fantastique. » Et il insistait en disant qu'il y avait à peu près 1 million ou 1 million 500 000 de dossiers en retard. Ce que je tiens à faire remarquer ici, concernant monsieur le garde des Sceaux hygiéniques, c'est que les 1000 fonctionnaires qu'il a engagés ne solutionneront strictement rien. Parce qu'à l'heure actuelle, le problème aux civils, au ministère de la Justice, c'est que tu as les gens qui partent en retraite, qu'il faut remplacer. Donc déjà, ça fait un panel de ces 1000 nouveaux engagés qui, quelque part, n'amélioreront strictement rien. Il y a les gens qui sont en récup, qui sont en maladie, et Dieu sait si au ministère de la Justice, il y en a un beau panel. Donc en fait, c'est ce surcoût financier pour la poche du contribuable ne changera strictement rien quant au retard judiciaire. Strictement rien. Oui, non, mais de toute façon, ça on le sait, c'est une question, enfin je veux dire... On ne peut pas prétendre résoudre les problèmes qu'évoquent certains policiers sans stopper totalement l'immigration de masse. Je veux dire, donc déjà, ça commence par ça. Si vous accueillez 400 000 ou 500 000 nouveaux migrants par an, des gens qui viennent d'Afrique ou du Proche-Orient, bon, il est totalement illusoire de canaliser cela. D'ailleurs, je ne sais même pas d'ailleurs comment ça se fait que ça se passe encore aussi bien à ce stade. Mais donc voilà, donc je suis d'accord avec toi. 1000 fonctionnaires de plus, ça veut dire simplement plus, davantage d'impôts et de taxes. Et puis c'est tout. Voilà, il y aura pas plus. Voilà. Candidature Zemmour, vite fait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Vous êtes enthousiaste? Pas enthousiaste? Vous en pensez quelque chose? Je crois que l'effet principal que ça risque d'avoir, c'est de plomber Marine Le Pen. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas, oui, peut-être. Si ça permet de couler les finances du Rassemblement National, c'est peut-être une bonne chose. Oui, c'est... Là, il y aurait un dilemme qui serait assez intéressant vis-à-vis de tous ceux qui adorent Zemmour et qui votent Le Pen, ce serait assez drôle. Ouais. Mais ça va surtout montrer le vide abyssal, parce que si Éric Zemmour est candidat, forcément il va prendre la parole. Bon, c'est quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral, vous l'avez bien compris, vous le savez comme moi. Et Marine Le Pen sera très à la peine, je veux dire, par comparaison. Alors, je ne crois pas que ça se traduise nécessairement dans les urnes, hein. Je ne pense pas du tout. Mais ça va vraiment ressortir sur les questions notamment d'immigration, d'islam, etc. Et je crois que la stratégie de Marine Le Pen, ça ne va pas être de partir dans la course à l'échalote du tout. Elle sait très bien qu'il y a, ça sera une impasse, parce qu'elle ne pourra pas faire plus de Zemmour sur son aile droite. Donc au contraire, elle va, je pense, elle va faire un procès en radicalisation à Éric Zemmour, va dire que c'est quelqu'un qui a raison sur toute une série de choses, mais qu'il est excessif, etc. etc. Voilà, enfin, elle va résolument marquer à gauche, et par contraste, espère ainsi rassurer, c'est un calcul, enfin, c'est l'épicerie, hein, mais elle pense qu'elle va pouvoir comme ça se crédibiliser auprès d'un électorat bourgeois de centre-droit, voilà. Donc en fait, c'est évident que c'est la stratégie qu'elle va adopter. Bon, qu'est-ce qui va en ressortir? J'en sais rien, je ne sais pas ce que Éric Zemmour pourra faire dans les urnes, 5-6% peut-être, aucune idée. Je ne sais pas. Je sais. On est témoins, mais moi, de toute façon, les élections, je veux dire, je suis pas un démocrate, je ne crois pas du tout aux élections. Donc, voilà. Mais par contre, c'est sûr que sous un certain angle, ça permettra de faire ressortir le gauchisme de Marine Le Pen. Ce qui n'est pas inutile. Ce qui n'est pas du tout inutile. Parce qu'évidemment, Zemmour va appuyer sur tous les manques de Marine Le Pen, hein, sur ces questions-là. Et même si elle en profite pour en faire dans l'antifascisme et l'antiracisme, ça ne pourra pas manquer de rejaillir. Donc sur le moyen terme, ça ne sera pas inutile, quoi. Voilà. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à en dire. Quelqu'un d'autre là-dessus, sur cette candidature? Alexis, peut-être, toi, tu vois ça comment? J'ai pas d'avis définitif parce que oui, les élections, bon, voilà, c'est compliqué. Même s'il y avait une victoire au premier ou au deuxième tour, après il y a encore la question des législatives qui détermine qui aura le Parlement. Donc je ne pense pas que Marine Le Pen puisse faire quelque chose de concrètement positif pour nous. Et Éric Zemmour, je pense que c'est essentiellement du théâtre. Voilà, c'est un petit peu pour divertir le peuple aussi. Oui, la question est posée. Pourquoi se présenter à une élection? Parce qu'Éric Zemmour sait très bien qu'il ne peut pas être élu au deuxième tour, ni même y accéder probablement. Donc, quelle est la fonction d'une telle candidature? Je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait encore qu'il ait les 500 signatures. C'est pas forcément garanti. Hein. Et bon, enfin bon, on verra. Moi, je n'ai pas de. Je ne suis pas intéressé, en fait, en toute sincérité. J'avoue, honnêtement, hein, ce sera des postures très. Ce sera des différences très minuscules, parce que fondamentalement, ces gens partagent la même idée. Hein. Moi, je dis. Hein, bon, c'est vrai qu'Éric Zemmour dit qu'il faut stopper l'immigration ça, d'une manière plus nette, d'une certaine façon. C'est vrai. Donc, ça, je ne vais pas lui enlever, mais. Je veux dire. Bon, tout ça me paraît très, très. Tout ça me paraît très, très obsolète, en réalité, par rapport à la réalité de la situation. Bon. Il y a des très beaux débats sur les bons et les mauvais musulmans, comme les bons et les mauvais chasseurs en prévision à avoir. Quoi. Oui, je crois que ça va être ça la limite de l'exercice, effectivement. Ouais. Beaucoup d'enculage de mouches sur l'assimilationnisme. Mais bon, le problème de Zemmour, c'est que il fait illusion, mais il remet rien en cause sur le principe de l'idéologie actuelle. Donc. Oui, voilà, le résultat, il est prévisible. Voilà, c'est vrai. Je pense qu'on peut quand même en parler un petit peu. Tu as raison, c'est bien ce que tu dis. C'est-à-dire que Zemmour sait très très bien quand il s'agit de faire un constat. Voilà, le constat est plus net, il est plus tranchant, il va davantage au but, alors que Marine Le Pen reste très évasive, et très évasive. À dessein, hein, bien sûr. Mais quand il s'agit de faire un travail un petit peu plus exhaustif sur les causes, et les responsabilités, Éric Zemmour est quand même très faible. Hein. C'est quand même très faible, hein. C'est-à-dire que sortie de ouais, mais l'UE Bruxelles, c'est c'est très court, hein. Bah, l'UE Bruxelles, moi je veux bien, mais bon, oui, et à Paris, il n'y a personne, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de lobby, il n'y a rien, il se passe rien. Et même à Bruxelles, est-ce qu'on pourrait être un peu plus précis? Est-ce qu'on pourrait donner des noms à Bruxelles, des forces en action? Ouais, ça pourrait être intéressant, ça. Et je me rappelle, il y a encore quelques mois, quand quelqu'un avait demandé à Eric Zemmour, l'état profond, ça vous inspire quoi aux États-Unis, etc. Monsieur Epstein, machin. Oh, oh non, mais l'état profond, c'est l'administration. D'accord. Voilà, donc, voilà. On s'excite beaucoup hein, sur les musulmans. J'ai aucun problème avec ça. Hein. Moi, je n'ai pas de souci moral avec ça. Mais quand il s'agit de passer la deuxième. Il y a du bout, hein, tu vois. Bon, voilà. Donc, C'est un très bon orateur, hein, il fera illusion hein, chez beaucoup de gens. Oui, il est bon orateur. Enfin, pas orateur, mais il est bon débatteur. Il est bon débatteur. Encore que, c'est parce qu'il est bon orateur avec un public qui évolue dans son cadre conceptuel prédéfini, c'est-à-dire qui prend pour argent comptant toute une série de poncifs. Et notamment chez les souverainistes. Mais en fait, quand tu penses en dehors de son système de pensée, c'est-à-dire quand t'es pas un souverainiste, mais que t'es beaucoup plus raciste, en fait, tu peux très très vite faire gripper la machine Zemmour. Hein. Parce que là, les contradictions, elles deviennent tout de suite apparentes, quoi. Sur l'assimilationnisme, par exemple. Quoi. C'est vrai aussi, d'ailleurs, du RN, hein, je veux dire. Mais c'est très facile de gripper la machine. Et il ne serait pas à l'aise, en fait, avec une vraie candidature de droite, articulée, intelligente, ethno-différentialiste, qui pointerait les incohérences. Ils auraient beaucoup de mal. Mais comme ça n'existe pas. Ah, c'est interdit. Et aussi, oui, c'est vrai que ça aide. Ça aide ou ça ne mène pas, mais oui, tout à fait. Bon, enfin, bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas nous qui sommes maîtres de l'échéancier, donc on subira ce qu'on subira, hein, mais... Je n'ai pas du tout d'enthousiasme pour la candidature d'Éric Zemmour, à l'évidence. Quoi. Voilà. Mais bon, plus, voilà. Enfin, enfin, je veux dire, c'est comme je prends la candidature d'Éric Zemmour exactement comme la candidature de Dupont-Aignan. Voilà, c'est de cet ordre-là. Ou jadis, quand De Villiers se présentait. Voilà. Parce que pour ceux qui ont l'impression que Zemmour dirait des choses absolument extraordinaires, mais De Villiers se présentait déjà en 2007... sur les mêmes thèmes. Il avait écrit Les mosquées de Roissy. Moi, ce bouquin-là, il avait été écrit dans le cadre de sa campagne électorale de 2007. Il expliquait, c'était déjà les mêmes arguments, les mêmes axes. Voilà, le terrorisme, l'islamisme, l'infiltration, attention, danger, etc. Ce qui était juste, ce qui était factuel, voilà. Mais c'était très, très exclusif, si vous voulez, quoi. Hein. Et, alors oui, le danger islamique est plus fort aujourd'hui, mais... C'est quand même très, très... Ça fait très, très candidature de niche, si vous voulez. Et je pense que ça va le rattraper. Voilà. Et je ne vois pas grande différence entre le créneau qu'occupait jadis Philippe de Villiers, qui avait un créneau de 5-6%, hein, et le créneau d'Éric Zemmour, je pense qu'il fera à peu près les mêmes chiffres. Par contre, et je suis d'accord avec Porro, ça va 5-6% pour Marine Le Pen. Ça peut faire la différence. Alex ? Attends, Alexis, ouais. Oui, rapidement, il y avait aussi Bruno Maigret en 2002 qui avait proposé des thèmes assez radicaux qui avait beaucoup pointé du doigt la question de l'islam. Bon, ça ne l'avait pas amené à des scores très brillants. Bon, ça n'avait pas empêché Jean-Marie Le Pen d'aller au deuxième tour, mais enfin bon, le résultat du deuxième tour n'était pas très très brillant pour lui. Suite aux médias, moi, je voudrais quand même faire un point pour dire que les médias peuvent faire beaucoup. Hein. Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on ne le voyait pas non plus au tout départ faire un super score. Bon. Et malgré tout, le discrédit porté à François Fillon sur des bases bon, un peu légères, mais bon, Fillon s'est quand même très mal défendu. Fillon a été discrédité, puis Macron a été présenté comme l'homme de la situation, etc. Donc d'une façon exagérée et obscène, mais enfin bon, finalement, ça a fonctionné. Surtout quand on arrive au deuxième tour face à Marine Le Pen, c'est pas très compliqué. Donc ne pas sous-estimer le rôle des médias télévisuels non plus. Si jamais ils décident que Zemmour va faire vraiment un très gros score, faut se méfier. Bon, surtout qu'il y a des casseroles concernant Marine Le Pen, ce qui fait qu'elle pourrait finalement trébucher, se prendre les pieds dans le tapis, aussi d'une manière ou d'une autre. Mais là encore, on est dans le domaine un peu de la spéculation. Bolix? Non, Alexis a parfaitement résumé la situation. Alors, je précise aussi qu'évidemment, les accointances d'Éric Zemmour avec le lobby juif en font par définition une candidature impossible. Hein. Je ne sais pas si c'était nécessaire de le souligner, parce qu'il y a un surmoi, il y a des obligations communautaires, hein, il y a des interdits. Voilà, hein, et c'est pas qu'il est antipathique ou quoi, c'est pas ça, hein, je veux dire, c'est pas la personne qui est très intéressante dans ce cas de figure, c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas dit, qui est très problématique, voilà. Ben, j'ai le même procès d'ailleurs avec Marine Le Pen, hein. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, on va bien voir comment les choses vont évoluer. Alors avant de nous séparer, messieurs, on va parler un petit peu quand même de ce qu'on nous réserve. Dictature sanitaire, rubrique numéro 5. Alors, bon, ça se corse. Hein. Alors, on avait parlé du pass sanitaire. On va en parler de ça. Parlons de ça. Ça y est, on rentre dans l'application, dans la mise en place effective du pass sanitaire. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de ça? Est-ce que vous avez une expérience directe de son fonctionnement? Est-ce que vous l'avez constaté, expérimenté? Expérimenté, non, pas encore, c'est pour le mois de juin, mais par contre, ce que l'on sait, c'est que il y a deux choses en parallèle. Il y a un passeport sanitaire en France, enfin, un pass sanitaire en France, et aussi l'équivalent au plan européen. Alors, en France, on nous dit que c'est grosso modo pour l'été, puisque ça a été voté donc à l'Assemblée nationale au forceps, puisque ça avait été refusé dans un premier temps, notamment via le MoDem, qui avait voté contre, mais ça avait été accepté suite à une deuxième délibération, comme disait notre cher Jean Castex. Donc ça entre en vigueur, mais théoriquement pour une durée limitée jusqu'à fin septembre, mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus durable qu'une mesure prétendument limitée dans le temps? Et on sait qu'au plan européen, c'est voté, ça va être normalement voté pour le 1er juillet, mais ce serait pour une durée d'une année au moins, donc ça veut dire que puisque la France est un pays de l'Union européenne, comme vous le savez, normalement la France devrait suivre les règles et également suivre la chose pendant au moins un an, d'autant plus qu'on va nous parler d'une quatrième vague, d'autant plus que ceci, enfin il y aura toujours une bonne raison pour étendre les mesures restrictives qu'ils souhaitent mettre en place et qu'ils mettent en place de fait. Ouais, peut-être un mot aussi sur Cédric O là, qui est chargé, je ne sais plus exactement quel est son poste, mais en tout cas qui a donné son, qui est quelqu'un du gouvernement, hein, qui a donner son opinion en disant que, vous inquiétez pas, c'est pour les concerts en plein air ou pour les événements de plus de 1000 personnes. Ouais. Et ça, cet élément ne figure pas dans la loi, apparemment, d'après, j'ai regardé la synthèse de Philippot là-dessus. Donc apparemment, si c'est pas dans la loi, ça veut dire que ces restrictions et l'exigence du pass sanitaire pourraient s'appliquer à des événements de moins de 1000 personnes. Donc peut-être un rassemblement quelconque, je ne sais pas. Bon, non, vous n'avez pas votre pass sanitaire, vous rentrez pas, ou je sais pas. Oui, alors je reviens sur... j'avais dit ça dans une émission précédente, effectivement, j'avais fait l'analogie avec le dressage des chiens qui fonctionne sur le... avec la récompense, hein, la gratification. J'ai parcouru les différentes... les modulations réglementaires pour accéder à des événements ou à des espaces publics et le fonctionnement du fameux pass sanitaire, on est en plein là-dedans. Hein, parce que ce n'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je me fais vacciner, je vais retrouver ma vie d'avant. » Non. Lisez le détail du programme concernant le pass sanitaire. Ce n'est pas la vie d'avant du tout. Vous avez une limitation considérable de l'accès à l'espace public. Hein, que ce soit, enfin, les organisateurs, bien sûr, on s'est contraint, mais de la même façon pour le public. Voilà, vous ne pouvez pas, comme ça, vous ruer un événement. Non, non, il faudra non seulement montrer patte blanche avant de rentrer, mais ensuite l'espace est rigoureusement encadré avec de la distanciation, etc. Enfin, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ce n'est pas du tout un retour à la normale. Ce n'est pas du tout un retour à la normale. Et ensuite, on est dans. Mais il y a un allègement. un allègement des interdictions. C'est plutôt comme ça qu'il faut le percevoir. Et c'est ce que c'est d'ailleurs. Donc il y a un allègement des interdictions, ce qui est la gratification des citoyens qui sont dociles et qui acceptent de rentrer dans ce mécanisme, dans ce nouveau système de gestion des populations, avec vaccination par Pfizer et tous les laboratoires, deux fois ou trois fois, nous dit-on, par an, avec le suivi qui s'ensuit. Et là, vous avez le droit, sous certaines conditions, à l'accès au festival, etc. Mais posez-vous la question. Si ces festivals ne sont pas libres d'accès pour tout le monde, le public est par définition restreint. Ça veut dire que, dans l'immense majorité des cas, la gratification qu'on exhibe sous le nez du public, ils n'y auront pas accès, parce qu'il n'y aura pas assez de place. Donc c'est une gratification hypothétique, très souvent, n'est-ce pas ? Parce que vous ne pourrez pas avoir des concentrations de public comme on y était habitué lors des grands festivals, des grands événements, etc. Donc vous ne pourrez pas y accéder très souvent. Voilà, désolé, on est plein, ah bah non, mais tous les billets sont déjà vendus, vous voyez, ça va. Donc si vous voyez, vous avez l'impression de retrouver votre billet, et vous ne l'avez pas à la retrouver. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Donc ils marchent dans la combine, ils suivent, sans trop réfléchir, puis quand vous rentrez dans le détail, vous dites, ah, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, hein. C'est pas non plus... C'est pas une ambiance très libertaire, quoi. Voilà. Et donc ça c'est important à souligner. Et je crois que les gens n'ont pas tout à fait compris. Oui, puis disons que dans un premier temps, le pass sanitaire n'est pas conditionné à tout prix à la vaccination, mais si vous n'êtes pas vacciné, il faudrait un test PCR négatif, mais les tests PCR, c'est quand même dans le nez, c'est quand même très désagréable, ça coûte de l'argent, alors est-ce qu'ils seront dans un premier temps, ils sont remboursés, mais disons que c'est quand même une contrainte, et puis... Bon, alors dans un premier temps, évidemment, c'est provisoire, mais on sait bien là où ils veulent nous amener. Alors, un autre point aussi, c'est que j'ai vu que dans le métro parisien, mais ça se généralise parce qu'ils vont faire un concert test. Je crois que c'est avec Indochine, je crois, non ? Je crois que c'est Indochine. Oui, c'est ça. Voilà, un concert test. Alors, pareil, on appâte les veaux, enfin les goïmes. Donc allez, venez écouter un concert d'Indochine. Et regardez bien les groupes, hein, qui marchent dans la combine, hein, qui sont à fond dans le trip. Vous voyez, c'est comme les youtubeurs, Carlito... McFly, là, qui font de la retape là, pour la psychose ambiante, en disant « geste barrière, vous allez tous mourir ». Il y a quand même 10 millions de cons qui ont regardé ça. Alors peut-être qu'il y a des gens, ça leur est tombé sur leur écran parce que YouTube leur a mis ça dans leur suggestion, tu vois. Bon, ça peut arriver, hein. Mais il y a quand même 10 millions de gens qui se sont fait appeler là-dedans. Hein. Voilà, alors imaginez s'ils apprécient ces mecs. Bon, je regarde pas leur production. Voilà, mais ça doit pas être non plus très virulent. Enfin, leur production est assez anodine, quoi. Donc les gens, ils se laissent berner, ils se laissent avoir, d'accord. Ils n'ont pas de recul, et puis ils sont... Il n'y a pas de méfiance, quoi, tu vois. Les gens sont domestiqués, ils ne sont pas méfiants, quoi. Donc ils se laissent appâter, voilà. C'est pour ça que le pouvoir à Macron, il utilise des gens comme ça, hein, voilà. Des gens familiers, qui font rire, etc. On l'aime bien, capital sympathie, et voilà, là, bah, s'il le dit, c'est probablement... Ouais, tu vois, ça fonctionne, c'est bateau, mais ça fonctionne. Indochine, c'est la même chose. Concert test, une véritable expérimentation sociale. Des rats de laboratoire, 5000, je crois, vont être concentrés. Il y aura une caméra en temps réel qui va regarder si les types ont les masques. C'est un truc de fou. C'est une expérimentation en temps réel. C'est de l'ingénierie sociale pure. Ça choque personne, tout le monde trouve super. Ouais, c'est génial, le système va se généraliser, tu vois. Je veux dire, ouais, tu vas au concert, t'auras des caméras qui vont te scruter sous tous les angles, tu vois. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on peut ajouter... des tas d'autres paramètres à ces caméras. Hein, c'est forcément. Donc, on est en train d'habituer les gens à, comment dirais-je, à ne pas se rassembler librement et à être sous la surveillance permanente. Voilà. Avec le modèle de gratification pour ceux qui obéissent. Et j'ai vu que ce système-là, de caméras de surveillance en temps réel de ceux qui portent les masques, va être étendu au métro parisien. Alors, au départ, c'est le métro parisien. Ensuite, ça sera les bus. Vous voyez, pour le port du masque, alors qu'il est avéré et prouvé que le port du masque à l'extérieur, sur le Covid, n'a aucun effet, pratiquement aucun effet, quoi. Donc c'est autre chose. En fait, on entrave les gens physiquement, on nous habitue à être entravés physiquement parce que c'est un travail de rééducation. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, j'en pense que les images du concert d'Indochine, elles vont être sympas, quoi. Avec tous les mecs masqués dans le public, ça va être très très moche à voir. Alors Porovitch, tu dis que, enfin tu me disais en aparté, que le système de QR code est déjà en train d'être déroulé en fait. Oui, effectivement. Moi j'ai constaté ça dans ma ville, avec la réouverture là du 19 juin, mai. Donc les terrasses des bars et des restaurants sont ouvertes, et toutes les tables des terrasses ont déjà leur QR code. Alors on n'a pas besoin de pointer pour l'instant, mais le code il est déjà prêt. Donc voilà, ça va devenir la règle, tout simplement, quoi. Et je t'expliquais aussi, parce que ça va avec, que miraculeusement, depuis le début de l'année, la Croix-Rouge dans ma ville a commencé à distribuer gratuitement pour les plus pauvres des smartphones Android gratuits pour se faire traquer, hein. C'est pas par charité, voilà, pour que le clodo du coin puisse aussi aller pointer, tu vois. Ou le mec qui est un peu dans la merde, quel que son RSA, mais il pourra pointer aussi puisqu'il aura son téléphone Android. Ça tombe bien, c'est gratuit. Ouais, ouais, l'idée c'est tu peux plus avoir les sous, mais j'ai pas de téléphone. Ah, t'as pas de téléphone? Ah bah suis-moi là. Tu vois, c'est ça le truc en fait. Et t'es enregistré comme ayant. Ah voilà, bien sûr. Alors évidemment que c'est pas une coïncidence. Ah non, c'est pas une coïncidence. Et comment ton attitude face à ça, toi, en tant que ancien consommateur, enfin je sais pas, hein, si t'allais dans les bars ou quoi, de temps en temps, peut-être que tu prenais un verre au moins de temps en temps. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis non, ça va, c'est bon, je boirai un coup chez moi. Qu'est-ce que j'ai envie de foutre une claque au cafetier, j'ai envie de foutre une claque au restaurateur. Voilà, j'enrage, je suis en colère. Bon, entre nous soit dit, ils n'ont pas le choix. Hein. Ouais, ils n'ont pas le choix, mais on a jamais le choix, tu vois, c'est jamais de ma faute. J'ai suivi les ordres. Ils ont essayé ça à Nuremberg, ça n'a pas marché. Ah, ça a marché. Enfin, je veux dire, pour les faire condamner, ça a marché, je veux dire. Oui, pour les faire condamner, voilà. Tu vois, ouais, là, non, ça marchait bien, là. Mais quand t'as dit, non, mais en fait, vous savez, moi j'avais un avis différent. Non, mais ça change rien, vas-y, on va te pendre quand même. je rappelle qu'on en est encore 100 ans après à traquer les mecs, hein. Oui, ça a pu échapper à certaines personnes, effectivement. Oui, nous sommes encore. Alors, faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de dénoncer des gens ou de marcher dans le système. Bon, à long terme, il y aura peut-être des conséquences, hein, mais moi, je ne veux pas vous mettre la pression. Non, mais c'est bien de remettre un peu de perspective, parce qu'il faut dire ça, oui. C'est vrai que c'est important. Même si, comme dans un article précédent, à propos là, du mec du Mans qui s'est fait attraper, qui a été dénoncé, hein. Même si la délation est fortement encouragée. C'est très curieux. On est dans une société, franchement. Je veux dire, bon, la délation. J'enfonce des portes ouvertes, tout le monde le sait, mais ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Je veux dire, bon, en gros, tu peux dénoncer ton voisin en trois clics. En gros, hein. C'est. Allô, le gouvernement. Oui, bonjour, c'est pour dénoncer. Tu vois, alors, je pense que ça y va, hein. Donc, tu peux dénoncer n'importe qui. T'as des flics avec des fusils d'assaut qui sont dans les rues. Pour intimider les petits gens, les petites gens qui boivent un petit verre, quand on les autorise à le faire, parce que c'est pas tout le temps. Et maintenant, tu vas être surveillé en permanence quand tu vas aller au troquet. Hein, faudra présenter ses papiers d'identité, son truc, son machin, parce que quand même, tu vas boire un verre, rends-toi compte. Et si d'aventure, tu vas à un concert, on ne sait pas, tu vois, t'auras des caméras pour te scruter, pour voir si, en temps réel, connecté au ministère de l'Intérieur. Et soyons très clairs, je donne pas longtemps pour qu'on en arrive à dire oui, mais budgétairement, ça coûte beaucoup trop cher. On va inclure une puce électronique dans le corps de chaque citoyen. Point barre, terminé. Oui, c'est ce qu'avait dit Klaus Schwab. Oui, Klaus Schwab l'avait dit très clairement en français d'ailleurs, en français un peu maladroit, enfin en tout cas prononcé avec un certain accent, mais il l'avait dit sur une télé française il y a quelques temps, puis il l'a écrit dans ses livres aussi. Alors tout ça, hein, tout ce système-là, ce que je viens de dire, ce que vous avez dit, tout ça dans une société où si vous dites un mot de travers sur les Juifs, vous prenez un enferme. Ça donne matière à réflexion quand même, à mon avis. J'invite les gens à réfléchir sur tout ça. Alors, messieurs, mise en place de la vaccination en nano. Alors, ils ont des termes barbares. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça a été décidé, hein, c'est quelque chose qui vient de passer, là. qu'est-ce que ça veut dire, la mise en place de la vaccination en anneaux? Alors, ça veut dire la chose suivante. Si vous êtes en avec, justement, votre smartphone et tout, ils savent exactement avec qui vous êtes en contact. Si vous êtes en contact avec un cas positif au Covid, vous devrez être vacciné. Donc, si vous avez été en contact direct avec quelqu'un qui a été positif, vous devrez être vacciné obligatoirement. Et si vous êtes vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été en contact, donc deuxième anneau, vous devrez aussi être vacciné. Et si vous refusez, la loi permet désormais de vous interner pour vous mettre en quarantaine, entre guillemets. Stratégie qui vient d'être... décision qui vient d'être prise là ces derniers jours par le gouvernement français. Donc, ce qui était jadis... ce qui a été autorisé il y a environ un an, un peu moins d'un an en Nouvelle-Zélande, puis au Canada, et désormais légal en France. Le principe, en tout cas, vient d'être légalisé. Hein, donc si un contact que vous connaissez a été en contact avec quelqu'un qui est positif, vous devez vous-même être vacciné. Si vous refusez, on peut vous interner. Qu'est-ce que ça vous dit ? Bah, ça me dit que mon smartphone, il va rester à la maison, hein, parce que, sauf si j'en ai vraiment, vraiment besoin. Comme ça, ça m'évitera de me faire gauler. Bah, mais ils vont pas rendre, au bout d'un moment, si les gens font ça, ils vont pas rendre obligatoire le port du smartphone. Ils vont faire un truc comme ça, c'est sûr, ça. Tu sais, comme le port de l'identité. Ah, je pense qu'ils vont taper sur la connerie des gens, le côté gadget et le fait qu'il y a une partie quand même de la population qui sait pas vivre sans smartphone, quoi. Oui, c'est quand même 90%. Au moins au début. Ouais, non, mais c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, non, mais les gens, ils sont addicts à ça, ouais, c'est vrai, bien sûr. Et puis, l'immense majorité des gens, c'est vraiment du bétail, quoi. C'est vraiment du bétail, t'en fais ce que tu veux, quoi. Hein. Tu leur dis, fais ça, ils font. Hein. Ils obéissent comme des idiots, quoi. Ah ouais, c'est pour ça qu'on t'a dit vaccination en anneau. Moi, je croyais qu'ils allaient leur mettre un anneau dans le nez et une étiquette, là, vaccinée comme les vaches. C'était impulsé par Jérôme Salomon. Jérôme Salomon, ah oui. qui avait comparé le Covid-19 à la peste noire, eh bien, est à l'origine de cela. Qui est juif, monsieur Salomon? Merci, monsieur Salomon. Salomon est juif. Alors, face à tout ça, il y a quand même une résistance qui s'organise. Ça se passe en Belgique. Un homme défraie la chronique. Vétéran de l'armée, ancien sniper. Qui plonge littéralement l'établissement politique belge dans la terreur. Et le mot n'est pas trop fort, puisque le gouvernement belge impuissant vient de demander à Interpol son concours pour arrêter cet homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il refuse cette mise en place du dispositif que venons de décrire. Alors je vais commencer avec un article du Soir. Donc c'est un homme hein, qui vient de l'armée, un soldat d'élite, qui a soudainement décidé de se rebeller, pour la raison que j'ai dite. Et il a disparu de la circulation. Aussitôt, les autorités belges ont déployé forces de sécurité, enquêteurs, etc., pour mettre la main dessus. L'article du Soir revient là-dessus, après plusieurs jours de traque. Alors, l'activité au poste de commande de De Salamander à Maas Mechelen, excusez-moi, je parle pas flamand, donc je... Mechelen. Mechelen, voilà, oula, il y a l'autorité là, ça me plaît ça. Où les recherches du militaire fugitif Jürgen Konix sont coordonnées, étaient fortement réduites vendredi après-midi. Les véhicules de la police et de l'armée ne font plus que quelques allers-retours. La presse, tenue à l'écart, ne peut plus voir ce qu'il se passe en raison de l'extension de la zone de sécurité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une colonne d'environ 50 véhicules avait quitté la porte d'entrée des Salamander du parc national de la Haute-Campine à Mechelen. Les fouilles menées durant la journée de jeudi n'avaient toujours pas permis de retrouver Jürgen Konix. Un communiqué de presse du parquet fédéral publié vendredi après-midi a confirmé l'existence d'un mécanisme suspect dans la voiture du fuyard retrouvé mardi. Cependant, le parquet attend toujours un rapport technique qui permettra d'en savoir davantage sur le but précis de ce mécanisme. Le parquet a ensuite affirmé que l'enquête se poursuit désormais d'une manière moins visible à différents endroits et avec différentes méthodes. En conséquence, le périmètre de sécurité avait été étendu vendredi midi et la presse a pour sa part été repoussée à l'écart de la zone. En fin d'après-midi, le cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, ou Quickenborn, Open VLD, a indiqué que Jürgen Konings était près d'une cible lundi soir pendant 2 heures, confirmant des propos tenus sur la VRT. Le cabinet n'a pas confirmé qu'il s'agissait du virologue Mark Van Ranst, comme l'a indiqué une source à la chaîne publique flamande. De son côté, le parquet fédéral ne fait aucun commentaire. Le ministre de la Justice a donné un bref aperçu de la traque du militaire en fuite après concertation au centre de crise. « On recherche toujours l'individu de toutes nos forces. L'enquête montre que ce n'était pas un acte impulsif », a-t-il ajouté. « Il se préparait depuis des jours. » Dans la matinée de vendredi, Ludivine de Donder, PS, Parti Socialiste, ministre de la Défense, avait dû répondre à une série de questions lors d'une séance plénière, donc au Parlement. La ministre a notamment reconnu, dans le cas de Jürgen Konings, fiché pour sa dangerosité, une faille dans la sécurité. Une enquête interne a été demandée au chef de la défense, l'amiral Michel Hoffmann, et les procédures d'accès au dépôt d'armes seront revues. Cette séance plénière a, par la même occasion, vu la ministre socialiste pointer du doigt la responsabilité de la NVA et le ministre précédent, Steven Van de Put, ou Van de Put, d'avoir totalement désinvesti dans la défense. Le parti de l'opposition a répliqué en jugeant la responsabilité de la ministre écrasante. Cette dernière a exclu la possibilité de démissionner. Bon, alors, ça c'est juste hein, le début, mais je pense que vous allez avoir des choses à dire juste là-dessus, mais je précise quand même, et je cite la RTBF, pour donner un peu le pédigré de notre homme. Jürgen Konings est militaire depuis 1992, jusqu'en 2019 sa carrière peut être qualifiée de sans histoire, comme fusilier et sniper. Il a été déployé en opération à l'étranger avant d'intégrer la police militaire. Je crois qu'il a participé à 11 missions à l'étranger, me semble-t-il. Alors, messieurs, là-dessus, rien que là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire là, sur les déclarations du gouvernement belge ou la situation même en général ? Bah déjà, moi, j'aimerais bien dire une petite chose. C'est que le type est militaire depuis 1992, disent-ils, et que son parcours est irréprochable. Ben moi, j'affirme que le parcours des gouvernements belges depuis 1992, lui, n'est pas irréprochable. Il suffit de rappeler l'affaire Dutroux en 96 et quelques autres histoires qui sont moins connues en France. Mais ils ne sont pas irréprochables. Thébolix ? Ah, alors, pour ma part, bon, je vous avoue très honnêtement que je suis cet épisode avec un sens de l'humour profond, puisque, bon, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les images dans les médias, sur les chaînes de TV, mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Bon, ce brave homme, pardon, ce saint homme, proficiat, Jürgen, ce brave homme, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il s'informe comme tout citoyen. Et comme tout citoyen, il s'aperçoit joyeusement qu'il a un gouvernement de couillons vendus à qui il veut les acheter. Il s'aperçoit que si tu as le malheur de ne pas être exactement dans la ligne du parti, comme on disait à une certaine époque, ben, automatiquement, on te casse ta carrière. Et à un certain moment, voyant, comme il le dit si bien, « je ne veux pas être dirigé par un gouvernement de politiciens et de, je sais plus très bien, de virologues ou un truc du genre. Ben, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 4 lots. Alors, le low, ce sont des blindicides légers, un petit peu dans le même système que le RPG russe, mais en beaucoup plus compact. Il prend un fusil d'assaut, il prend un pistolet, et il se barre dans la nature. Alors, nous avons joyeusement un chasseur, maudit soit-il, qui informe les forces de police en disant « ça, c'est la voiture qui est recherchée », et on récupère les quatre lots. J'espère de tout cœur que ce brave garçon n'avait pas que ça dans ses tartines, et en ce moment, il est dans la nature. Alors, pour vous donner une idée du délire pathologique de l'État belge, ils ont déployé des véhicules blindés avec des systèmes d'intensification laser pour voir la nuit, et ils sont en train de balayer toute une zone du Limbourg, millimètre par millimètre, pour rechercher un gars qui est un ancien tireur d'élite, enfin non, pas un ancien, qui est un tireur d'élite et surtout un fusilier. Alors, baladez-vous sur Internet pour aller voir ce qu'est une unité de fusilier. C'est pas des rigolos, les mecs, hein. J'aime autant vous dire qu'au niveau de l'entraînement, c'est tout sauf des branleurs. Donc, notre brave Jürgen est dans la nature. D'après les informations du parquet, il aurait menacé de mort une saloperie vivante, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Il y a une vidéo qui circule sur Internet dans laquelle le virologue en question explique comment, lors de la première crise du Covid, celui-ci a empapaouté, le terme est faible, l'intégralité des médias, de manière d'abord à se faire un paquet de fric et surtout à permettre de manière politique au gouvernement et aux fabricants de vaccins de manipuler complètement l'opinion publique face à quelque chose qui s'est révélé d'ailleurs totalement innocent en matière bactérienne. La même chose que le Covid actuel. Ça tue les vieux, point barre. C'est Ranst, hein, son nom. Oui, c'est Ranst, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en sortir? Alors, je vais être très clair avec vous parce que je connais malheureusement très bien la mécanique. Méfiez-vous énormément des déclarations du parquet et de l'État belge. D'abord parce que le parquet dont ressort notre ami Jürgen est le parquet antiterroriste, et que le parquet antiterroriste en Belgique, c'est le refuge de tous les fils à papa qui ont fait les universités d'État en criminologie dans l'espoir de finir par faire de la politique. Donc en réalité, ces gars-là sont dans une espèce de zone de transit qui leur sert uniquement de plan carrière. On est très très loin d'un magistrat qui voudrait véritablement s'intéresser à du terrorisme. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que les informations de l'État, ces gens crèvent de trouille parce qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui n'allait pas reculer et qui a été entraîné pour... Ils sont dans une situation de panique totale parce qu'ils comprennent bien qu'en ce moment même en Belgique, il y a d'autres citoyens qui se disent « si lui peut le faire, pourquoi pas moi ?» et que nous nous orientons à une vitesse V', à des événements qui risquent particulièrement d'être tragiques pour certaines personnes. Personnes qui, quelque part, je suis désolé de le dire, ne l'ont pas volé. À partir du moment où on se fout de la gueule du peuple, à partir du moment où on truande pendant des années une population, arrive un moment où le bluff, ça ne marche plus. Et arrive un moment où les gens se disent « Ah, j'ai une escopette dans mon grenier, ça peut toujours servir. » Eh bien, on en arrive tout doucement là. Alors, notre bon Jürgen, à l'heure actuelle, il ne faut pas se leurrer, a le soutien de la population. Il y a des campagnes qui sont... Alors, soyons très clairs, hein, j'attire d'ailleurs l'attention des gens qui s'expriment sur Internet en ce moment dans le cadre de l'affaire Jürgen. Comprenez bien que l'intégralité de l'État belge, des forces de police, de la sûreté, tous ces gens sont sur Internet en train de décrypter les moindres interventions concernant Jürgen. Ils sont à fond dessus, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que, il se mêle à des conversations pour essayer, dans leur dialogue, d'obtenir des informations, d'obtenir des sources, d'obtenir des renseignements. Ce gars bénéficie d'un soutien énorme, ce qui rend le gouvernement mais littéralement fou, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont essayé de le faire passer pour un branque. Ils essayent pour l'instant toutes les ficelles possibles ou imaginables. Parce qu'ils comprennent parfaitement bien que ça va pas en rester là. Ça va monter dans les tours. Et manifestement, ce sera pas pour aller offrir des fleurs et des boîtes de chocolat à certains politiciens et à certaines personnes qui se sont mêlées de cette espèce de gigantesque mafia de salopards qui sont à la tête de l'État, qui nous vendent du vent depuis des années et qui comprennent qu'ils sont dans une perte de vitesse totale. Ce type est un héros. Oui. Moi, je voudrais bien revenir un petit peu sur le début de l'affaire, parce que je pense qu'en France, on ne doit pas très bien connaître cette affaire. En fait, lorsque le type, il y a quelques jours, disparaît et que la chasse commence, les autorités belges mettent environ 150 militaires et 250 policiers pour lui faire la chasse. Comme l'a très bien dit Diabolix, on va même jusqu'à y mettre des blindés, légers, hein, pas des chars d'assaut, hein, certainement pas. On mobilise un hélicoptère. On a même fait voler un avion militaire dans le vide, hein, parce que un avion militaire rapide comme SS, c'était le cas, qui survole la zone de recherche, il ne peut pas voir grand-chose comme ça. Mais en plus de ces 400 hommes que j'ai cités, il y a des troupiers allemands ou des policiers, là je n'ai pas le détail, mais il y a des Allemands qui sont venus en renfort, ainsi d'ailleurs que des Hollandais. Là il y a des policiers, parce que j'ai vu une photo, il y avait un policier hollandais dessus. Il semblerait qu'il y ait quelques Luxembourgeois et même, mais je l'ai vu dans un article, quelques Français. Interpol a été saisi dans la recherche. Ça vous donne une petite idée de la trouille effectivement de l'État belge face à cette affaire. Parce qu'un seul homme, on va dire, c'est rien du tout. Oui, mais le problème, c'est qu'il bénéficie de la sympathie populaire. Il y a des groupes de soutien qui ont été montés sur les réseaux sociaux. Personnellement, je n'en connais qu'un. C'est le quatrième jour aujourd'hui que le réseau Facebook, le groupe Facebook qui suit Jürgen Konings existe, et ils en sont à 40 000 personnes déjà, ça vous donne une idée. Ouais, ça donne une idée, ouais. Mais il y a d'autres groupes de soutien qui existent, mais je ne les connais pas. Bon, sur ce, Jürgen Konings a beau être un soldat d'élite, je pense, moi, mais c'est un avis personnel qui vaut ce qu'il vaut, je pense qu'il doit avoir quand même quelques soutiens réels pour s'évader, d'autant plus, enfin s'évader pour échapper, pardon, d'autant plus que j'ai vu un cas d'une ferme où l'on pensait en campine que le bonhomme se cachait, et les policiers ont brutalement défoncé les portes, ont retourné la ferme. Les gens, les fermiers, la famille de fermiers se plaint d'ailleurs de la brutalité de l'intervention. Enfin, pour ce qui est de ce soutien, l'explication de ce soutien, il faut bien comprendre que le type qui au départ a été menacé, je ne sais pas comment, probablement par la voix uniquement de Jürgen Konings, c'est Marc Van Rans qui a été cité tout à l'heure par le résumé de Diabolix. Il faut savoir que le type, je vais faire un petit peu son portrait, mais superficiel, c'est un communiste, proche du Parti du Travail de Belgique. C'est un stalinien. Ça, c'est un. Deuxièmement, en 2019, et là, on le trouve sur Internet, il suffit de chercher Marc Van Rans, il a fait une conférence à Londres, donc devant des gens qui sont des professionnels dans la médecine, peut-être aussi dans la politique ou quoi. Et là, il explique que lorsqu'il y a eu la pandémie, rappelez-vous, du H1N1, il était intervenu et il expliquait que il n'y avait qu'un moyen de contrôler la population lors d'une pandémie, c'est de pratiquer une politique de la peur, ce qui fait bien rire ceux qui l'écoutent d'ailleurs. Bon, lorsque Jürgen Konings menace ce monsieur, il faut bien comprendre que c'est une réaction, c'était la goutte d'eau probablement qui dans sa tête a fait déborder le vase. Eh bien, c'est une attaque aussi contre la pandémie du coronavirus, puisqu'il attaque l'expert numéro un présenté généralement par l'État belge. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, c'est le numéro un. Qui est un bolchevique enragé. Hein. Qui est un... Oui, oui, effectivement, je l'ai dit, c'est un stalinien carrément bolchevique. Je ne sais pas si l'on considère que le bolchevisme est un... Et le communisme juif, ça je ne sais pas, mais c'est un stalinien, ça c'est sûr. Et l'attaque, les menaces contre ce bonhomme, ben c'est la menace d'un Belge contre cette saloperie de fausse pandémie, de politique de la peur, et qui est une politique de resserrage des écrous dans le contrôle des populations et de la population belge en ce cas-là en particulier. Parce que j'aimerais rappeler un petit truc. Lorsque la pandémie apparaît, rappelez-vous, c'est l'année qui précède, enfin qui précède, c'est l'année en cours, juste avant les élections américaines. Ça, c'est un. Qui permet, en partie, je pense, la fraude dans l'histoire de l'élection. Mais je ne vais pas aller plus loin. Et par ailleurs, c'est également l'assassinat du mouvement des Gilets jaunes. Cette pandémie tombe incroyablement bien pour arrêter des réactions populaires ou des volontés populaires, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Voilà. Oui, disons que le pouvoir, enfin on va dire la gouvernance globale incarnée par les gens dont on a souvent parlé avec le Great Reset jusqu'ici, le système de la gouvernance globale s'attendait forcément à des réactions populaires après, face à leurs projets. C'était inévitable. Et que ce soit des manifestations de masse ou autres. Il n'y en a pas eu tellement. Il y a eu des tentatives de manifestation, de résistance, etc. Mais, et je rappelle qu'il y a un contexte général, c'est que le Great Reset, grosso modo, est une utilise cette pandémie alléguée comme un prétexte pour déclencher une stratégie globale de reprise en main du système et surtout de l'économie. Notamment à cause de l'endettement hors de contrôle des États occidentaux qui sont surendettés. J'ai expliqué ça souvent, c'est que les États occidentaux sont surendettés, on ne peut pas rembourser cette dette énorme, ce qui fait que nous sommes virtuellement en état de banqueroute. Si cette banqueroute allait à son terme, nous ferions face à de très graves troubles. Et il est évident que ça affecterait grandement la structure du pouvoir. Il y a eu des alertes jusqu'à présent, ces dernières années, vous les connaissez, je les ai souvent citées. C'est le Brexit, c'est l'élection de Trump. Et à chaque fois, on a vu des reprises en main brutales. Prenons le Brexit, pour ne pas parler de Trump. Mais même si ils ont fait d'une pierre deux coups, grâce à la pandémie, ils ont mis out Trump, parce qu'ils ont foutu en l'air l'économie. Ils ont d'ailleurs rajouté aussi des troubles raciaux très importants. Mais au Royaume-Uni, le Brexit est une chose du passé. C'est ce que je voudrais dire, moi, à des gens comme Philippot. C'est-à-dire que le Brexit... Enfin, Philippot défend le Frexit. Mais le Brexit a eu lieu au Royaume-Uni. Il n'a servi à rien. La conclusion immédiate, c'est que vous avez des pêcheurs français qui sont énervés pour des histoires de poissons avec les Britanniques. Mais en pratique, la gouvernance globale n'a jamais aussi étroitement contrôlé le Royaume-Uni. Ils n'ont pas le droit de sortir, ils ont des mesures drastiques qui sont prises contre la population, etc. C'est une reprise en main dure. Et qui s'inscrit justement dans cette mesure préventive de perte, pour éviter la perte de contrôle qui serait induite par la faillite générale. Et on a parlé de tout le reste, hein, les projets qu'ils ont de revenus universels, de digitalisation de la monnaie, aussi de collectivisation des transports à cause du réchauffement climatique, enfin bref, d'une baisse du niveau de vie général, d'un contrôle très étroit de la circulation de la monnaie, de créer aussi une espèce de sous-caste de gens qui recevraient comme ça de l'argent gratuit, mais en très faible quantité. Vous voyez que, bon, il faut des passeports maintenant pour se déplacer. Enfin, tout ça était prévu. Mais ils savaient aussi qu'il y aurait une résistance qui se formerait. Et si elle n'était pas de masse, en tout cas, ce serait une résistance qui serait au moins passive. Et quand on voit la disproportion, dans le cas précis qui nous concerne en Belgique, des moyens déployés et ceux qui concernent habituellement le crime, même le terrorisme, on voit que le système a peur. C'est une peur authentique. La disproportion des moyens déployés en Belgique pour attraper Jürgen Konings démontre cette panique. C'est ça que ça traduit. Et là, moi, ce que j'en dis, c'est que le système redoute que les choses deviennent violentes. Il le redoutait depuis l'origine, puisque c'était l'objectif même du projet. Conjurer une révolution. Voilà. On organise la baisse du niveau de vie. On organise la baisse du niveau de vie avec une très belle excuse, la pandémie, le réchauffement climatique. Mais en pratique, le niveau de vie des gens baisse d'année en année. Voilà, on a dit oui, mais vous comprenez, c'est conjoncturel. Voilà. Et maintenant, il dit, ah tiens, il y en a un qui prend les armes. Alors, en fait, ils se disent, et c'est ça qui explique la disproportion, ils disent, oui, il est seul, mais il est soutenu par combien de gens? Et j'étais frappé de voir que le ministre, je crois que c'était le ministre de la Justice, me semble-t-il, a réagi au fait qu'il était très populaire sur les réseaux sociaux, parce qu'il était Jürgen Konings était qualifié de héros. Le ministre de la Justice a dit non, ce n'est pas un héros. Et c'est très intéressant de voir qu'en Belgique actuellement, il y a même un débat pour savoir si c'est un héros ou pas. C'est ce qui est un aveu en soi. C'est un aveu. Je veux dire, un terroriste ne peut pas être considéré comme un héros. Il n'est jamais considéré comme un héros. Il est considéré comme quelqu'un de violent, de brutal, comme un fou. S'il y a même un débat dans l'espace public belge au point de pousser le ministre de la Justice à dire « Attendez, c'est pas un héros », c'est qu'ils font face à un courant de l'opinion qu'ils ne contrôlent plus. Et ça, c'est leur grande peur. Et c'est pas tellement qu'ils redoutent de la part de Jürgen Konings des actions d'une violence absolument inouïe, parce que je crois qu'il a en sa possession un fusil d'assaut, je crois, quelque chose comme ça. Bon, bien sûr. Un fusil en lente. Voilà, bon, il peut toujours, bien sûr, mais bon, il va pas faire s'écrouler l'État belge par la force. En revanche, la dissension qu'il suscite en inspirant les masses, là, oui, ça, c'est très dangereux. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est pas tellement parce qu'ils ont peur que tout à coup, il va assassiner des milliers de gens. C'est que il faut faire un exemple, il faut intimider la population, et il faut que ce message passe et passe clairement. Et en leur disant, attendez, s'il y en a un qui se soulève, on mobilise tout l'appareil d'État. Alors, avis aux amateurs. Voilà. C'est ça le message qui est actuellement passé, mais la trouille qui traverse l'établissement politique belge... Et pas seulement. Et pas seulement, parce que ça déborde, on a même l'Interpol, on a les pays, voilà. La trouille qui traverse ces gens, c'est qu'on est des gens comme ça, du peuple, soutenus par le peuple, qui entament une action révolutionnaire, alors qui peut être de court terme, mais une action révolutionnaire, et qui se mettent à prendre la partie des politiciens. Et ça, ces gens-là en ont extrêmement peur. Voilà, c'est le fond du problème. Ah, pardon. Oui, je croyais que tu avais fini. Oui, il fout, en fait, ce monsieur, là, Jürgen Konings, fout la trouille en Allemagne et en Hollande principalement. Parce qu'il faut se souvenir qu'en Allemagne, on a, il y a quelques mois, dissous une, je crois que c'était l'équivalent d'une compagnie, on a dissous une unité de force spéciale parce qu'ils étaient philo-nazis, vais-je dire. Hein, enfin, du moins, j'étais soupçonné de cela. Les Hollandais ont la trouille aussi. Je crois qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de gens, d'autant plus que, même si cela ne rassemble pas beaucoup de monde, quelques centaines de personnes, il y a déjà eu au moins 3 manifestations favorables à l'évader, je vais dire. voilà. Et donc... D'accord. C'est... Oui, je l'ai vu, oui. Enfin, pour l'instant, le parquet fédéral appelle le type à contacter une personne de confiance. Donc, il l'appelle à se rendre. Et d'un autre côté, il demande à la population de rester sereine. Mais la population, moi, je crois qu'elle est sereine. Moi aussi, je pense, oui. Vous voulez... En tout cas, c'est un acte... Voilà, enfin, c'est un acte de rébellion, on va dire. Il n'a tué personne à ce stade, hein. Il faut quand même le préciser, hein. Il n'a tué personne. Le gouvernement belge lui prête telle ou telle intention, mais là, c'est des pures allégations. Je veux dire, à ce stade, on ne peut pas lui reprocher un seul acte violent contre quiconque, à ma connaissance. Bon, voilà, donc on est quand même sur des spéculations, mais ça suffit à foutre la trouille à tous ces gens qui dirigent le système. Ça, c'est clair. Donc, je suppose que s'il y en avait 100 comme lui, il n'y aurait déjà plus de gouvernement belge, grosso modo. Hein. À peu près, quoi. Mais pour rejoindre ce qui a été dit plus tôt, c'est là où on voit la différence qu'il y a entre l'armée et les forces de l'ordre, je crois. C'est-à-dire ? Ouais, tout à l'heure, on a soulevé le point que les forces de l'ordre étaient rémunérées, qu'elles étaient au service de l'État, etc., etc., etc. L'armée, par définition, est plus au service du pays qu'au service de l'État, même si c'est l'État qui la rémunère, puisque maintenant les armées sont généralement composées de professionnels. Mais il y a une responsabilité morale, je dirais, dans la tête des militaires que l'on ne trouve peut-être pas dans les forces de l'ordre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les forces de l'ordre sont orientées vers l'intérieur et les forces militaires sont orientées vers l'extérieur. Oui. Quelqu'un d'autre là-dessus, sur cette situation ? Ou en général ? Non ? Ben on va suivre cette affaire de très près, on va voir ce qui va se passer en Belgique, puisque tout ça est très lié. D'ailleurs, la preuve, Interpol est mobilisé, hein, tout de suite. On va voir si cette rébellion, puisqu'il a essayé de déclarer en résistance, on va voir ce que ça donne de la part de Jürgen Konigs. Mais ce qui est sûr, c'est que ce système n'est pas aussi solide qu'il prétend l'être. Ça, c'est certain. À la semaine prochaine, les amis. La semaine prochaine.